Salut à tous, chers auditeurs et auditrices, pour cet épisode exceptionnel du Bizcast. En effet, on est bien en direct du marathon 40 heures d'émission pour les 40 ans de Radio Fadjet. On remercie Aurélie qui nous a annoncé juste avant. Et on est avec vous de 22h, du coup 22h presque 10 à minuit suite à ce pack technique. Ouais, c'était une petite surprise pour les 40 ans, voilà. On s'y fait. Vous nous écoutez en direct, certes, mais cela ne nous empêche pas de nous retrouver aussi en différé sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram, le-du-babiscast. Bon, on va pas se mentir et ça peut déjà s'entendre, le direct, c'est pas dans nos habitudes, donc il y aura sûrement des petits couacs, notamment celui-là. Mais on va essayer de faire de notre mieux pour passer un bon moment et être le plus pro possible. Pour nous accompagner pendant cette émission, on accueille Céline. Salut Céline, comment ça va? Salut Morgane, mais ça va super bien et toi? Ça va. On a repris des invités de l'émission. De toute façon, c'est les copains qui ont bien voulu venir. Non, quand même, je n'ai pas forcé. C'était les deux qui étaient dispo. Et on a aussi Mathieu. Salut Mathieu. Salut, bonsoir tout le monde. Ça va? Ça va et toi? Ça va et vous? Ça va très très bien. On est là pour s'amuser un peu pendant ces deux heures. Bah oui, et comme on le fait à notre habitude, à notre accoutumé, à chaque fois, on commence par les... Bah, j'ai même pas présenté mon co-animateur. Ah, mais introduis-moi si j'ose dire. Mais, je sais bien que je l'ai trop dit, mais je le dis quand même. Animer ces deux heures de live sans lui me serait impossible, alors veuillez accueillir mon très cher co-animateur, Valentin. Comment ça va, merci. Bah, je suis trop content d'être là. Écoute, c'est notre premier live, c'est un peu notre baptême. Nocturne. C'est notre première fois. On va essayer de vous divertir pendant ces deux heures et de vous envoyer toutes les bonnes ondes, les énergies. Vas-y pour les Bisque News alors. Et on est parti pour les Bisque News. Les Bisque News. Alors, dit avec cette voix bien grave, les Bisque News. Val, qu'est-ce que c'est les Bisque News? Alors, les Bisque News, pour les gens qui nous découvrent ou qui nous connaissent déjà, je rappelle tout le temps les règles. En fait, on prend des actualités insolites et on essaye de vous les faire deviner. Voilà. Et là, pour les 40 ans de Fadjet, du coup, je me suis dit, je vais aller piocher un peu dans des trucs un peu anciens, tout ça. Ouais, le passé, quoi. Le passé, voilà. On redescend en 1995, du coup, j'imagine. Bah, écoute, on commence en 2014. Ah oui, non, ça va, le passé, 10 ans. Pas trop loin. 10 ans, c'est pas 40. Mais je vous en ai trouvé des bonnes, quoi, ce soir. Ok. Alors, messieurs, dames, en 2014, un Britannique du nom de Malcolm McDonald perd son pénis, qui tombe littéralement suite à une infection périnéale. Ça s'est compliqué. Il y a eu une infection. Les médecins ont trouvé une solution pour lui fabriquer un nouveau pénis. Ok. Donc déjà, grand bien lui fasse. Déjà, ça commence très bien. Je sais pas si vous sentez peu là. Et le pénis doit normalement être rattaché entre ses jambes. Mais Malcolm McDonald présente un souci de santé. Il n'a pas assez d'oxygène dans le sang pour pouvoir le faire. Mais les médecins ont trouvé une solution. Et je vous demande de trouver la solution. Très très spécifique. D'être ces médecins innovateurs qui ont réussi à sauver ce pénis. On doit trouver la solution. Est-ce qu'ils l'ont mis à un autre endroit du corps, j'imagine? Exactement. Balèze, le pénis est dans un autre endroit du corps. Oui. Très très désagréable, du coup. Un endroit du corps non seulement improbable, mais... Autre endroit du corps, c'est tout à fait improbable. Est-ce que c'est un endroit du corps visible quand on est habillé? Oui, ça peut être visible. Sur le menton? Non. La fameuse barbichette. On te tient la barbichette. C'est très bon épisode de South Park, ça aurait été. Non. Sur les bras, le dos. Sur les bras, le coude. Sur les bras. Sur les bras. C'est clairement la réponse. Okay, c'est sur les bras. Ok. Sur les coudes. Non, sur le bras. Sur son poignet. Poignet. Alors en fait, pour l'histoire est vraiment très marrante. Oui. Malheureusement pour cet homme-là, parce qu'en fait, ils lui ont greffé. Du coup, le pénis le poignet, en se disant « bon bah on va le réopérer bientôt ». Sauf que en fait, ça n'a pas pris. C'était pour le garder en vie, en fait. Et ça a duré 6 ans. Pendant 6 ans, il avait son pénis sur sa poignet. Fallait pas lui demander l'heure. Quoi. Alors, cher auditeur, je vous invite à taper sur Google et à aller voir... En Safe Search. Oui, bien sûr. Pas sur l'ordi du bureau. En navigateur privé, bien sûr. Je pense que Val l'a cherché sur l'ordinateur du bureau. C'est une Obligatoirement, obligatoirement, je l'ai cherché pour avoir ça. Il y a un historique Google qui en dit long. Est-ce qu'on sait comment il va, ce monsieur, aujourd'hui? Ça va? J'ai pas de nouvelles. Ouais, non, ça J'ai pas de nouvelles. 2024, on sait pas s'il l'a fait. Et du coup, la question que j'avais envie de vous poser pour prochain, est-ce que vous avez eu des opérations, quelque chose qui vous a vraiment traumatisé dans votre vie, Céline? Moi, j'ai une anecdote. Je me suis fait opérer de la hanche à 17 ans. Okay. J'étais très, très stressée. Okay. Et avant de m'endormir, le chirurgien m'a dit « Bon, bah du coup, c'est la hanche droite, hein ?» Ah. Et je lui dis « Bah non, c'est la gauche. » « Non, mais c'était une blague, ah, je sais. » Ah, elle est blague de chirurgien. C'est vraiment horrible. Il a détendu l'atmosphère en une seconde. Voilà. Excellent. Toi, Mathieu, t'as quelque chose ou... Moi, la seule opération que j'ai eue, c'était à ma main. Alors, je regarde laquelle. La gauche. La même que la hanche de celle-là. Oui, c'est un peu ça. Non, main gauche, j'ai été opéré, mais on m'a fait... j'étais petit, et c'était endormissement, voilà quoi. Je me souviens juste du masque, on m'a dit « Allez, tu comptes, 1, 2... » Pas de chirurgien farceur qui fait « Non, c'était pas lui !» Non. Oui, vraiment juste à la seconde où tu fermes les yeux, quoi. Ouais. Non, voilà. Morgane, toi, t'as un truc traumatisant Non, moi, ma vie est belle. Allez, et ben on enchaîne, du coup. Alors, messieurs, dames, un Suisse en 2024, un homme, après avoir quitté son travail, est tombé en dépression et a cherché désespérément un but dans sa vie. Ok. Jusqu'à ce qu'il trouve la solution. Alors, la première question, c'est pourquoi il est tombé en dépression? Okay. Et d'après vous, quelle était la solution? Parce qu'il était Suisse. Est-ce que ça a un rapport avec sa nationalité, du coup? Non. Est-ce que ça a un rapport avec son travail? Non. Okay. Il a divorcé? Non. C'est pas de situation amoureuse compliquée. C'est vraiment quelque chose d'insolite. Je pense que la plupart des gens le vivraient extrêmement bien. Ah, il a gagné au loto. Exactement. Oh. Donc il est extrêmement riche. Et du coup, quelle était du coup la solution? Donner tout son argent à des œuvres caritatives. Mais écoute, c'est clairement ça. Voilà. On est dans le don ici. En fait, c'est un Suisse qui a décroché des millions d'euros et en fait, il s'est rendu compte très vite que ça le rendait pas heureux du tout. Il était. Je peux comprendre, il peut me les donner. il est tombé en dépression et donc du coup la seule solution ça a été de se délester de sa fortune. Ouais. Intégralement. Une bonne partie. Ouais, oh, il dit 90%. 90% de sa fortune. Il habite en Suisse, quand même. Ah ouais, c'est beau. 90%. C'est des francs suisses, hein. Alors, j'enchaîne du coup. Un influenceur australien s'est filmé en train de réaliser une activité improbable dans un lieu insolite. D'après vous, qu'a-t-il fait? Et surtout, où? Est-ce que c'est une activité sportive? Oui. Okay. Mais pourquoi il se filmait, ce monsieur, en plus? Un influenceur. Il cherche à influencer le monde. Ah oui. Est-ce que c'est un rapport avec l'Australie en général ou ça aurait pu être un Britannique? Ça aurait pu être un Britannique. Ok. Est-ce que... Donc c'est pas du surf, ça n'a pas de lien avec... Non. Parce que à Londres, bof... Ça se fait, j'imagine. C'est un rapport avec l'Australie, alors... un truc insolite... C'est un sport, hein, tu m'as dit. Hein. Ça fait partie du sport. Ok. Il a fait quelque chose d'assez insolite. Genre il a fait du ski dans le sable, peut-être. Non. Il a gravi un mont hyper haut, les vrais trucs comme ça, non? Pas du tout. Il a... Est-ce que c'est une performance physique? Non, pas spécialement. Okay. C'est plutôt quelque chose que tout le monde a déjà fait. Il a fait un Kaizen. Sauf que... Esprit Kaizen. Esprit Shonen. Non, il a fait un truc que tout le monde a déjà fait dans sa vie, mais sauf que le lieu où il l'a fait, c'était vraiment... C'est un non-sens. Genre toi, tu as déjà fait ce truc? Ouais. Ok. Non, mais on l'a tous fait? Oui. Mais vraiment tous? Genre même, genre même moi? Oui. C'est du uriner sport. Uriner à l'air libre? Non. C'est un sport. Un sport. Et moi, je l'ai fait. Oui. On l'a tous déjà fait. Tu es sûr? Oui. Une randonnée dans un... Non. Jouer au foot? Peut-être que trouver le lieu peut déjà peut-être vous aider plus. Est-ce que c'est un lieu géographique, un lieu précis, géolocalisé? Non. Ok, c'est genre un paysage, genre le désert? Ouais, c'est plus précis que ça. Okay. C'est vraiment un truc qu'il y a dans tous les pays du monde. Ok, genre sur une église? Non. Sur un building? Non. Ok. Sur un terrain de baseball. Ouais, c'est ça. Il a fait du baseball dans un terrain de baseball. C'est ça. Et voilà, c'est la fin des Beast News. Non, c'est vraiment un truc. Il va me falloir des indices, je crois. Val. Ouais. C'est un transport. Ah, il conduisait du vélo? Non. Il était dans un bus? Non. Du skate? En Australie? Mais le pays n'a vraiment... Toujours. Ça compte pas. En fait, je mets des pays pour que la question mette un contexte, mais ça ne sert à rien. D'accord. Est-ce qu'il a pris un transport en commun? Non. Pas d'avion, pas de... Un bateau. Alors, c'est dans un avion. Ah, dans un avion. Ah, c'est dans okay. un avion. Donc, le lieu, c'est dans un avion. C'est dans un avion. Quelle activité sportive il a fait dans un avion ? C'est plus un exercice. Qu'une activité. Les gens font pas, j'ai pris ma licence de ça. Okay. ça n'existe pas. Est-ce qu'il a. Je sais pas. Il faisait du yoga dans l'avion, il faisait de la muscu. De la slackline sur les ailes. Ah, d'accord. Ouais. Écoutez, je vais vous le donner parce que je vois. Il a demandé au pilote d'atterrir parce qu'il. Bon, je sais pas. Il fallait qu'il fasse des tractions. Voilà, c'est ça. Non, en fait, il a fait des pompes dans la soute. Ah, dans la soute de l'avion, c'est ça qui est particulier. Non, en fait, c'est ça qui est très particulier. C'est un influenceur fitness en Australie. Il a fait le buzz sur TikTok parce qu'il a publié une vidéo qui est à la fois impressionnante et un peu effrayante quand même. Mm-hmm. Du coup, où il saute en fait dans le moteur d'un avion situé sur le tarmac. L'avion volait pas. Ok. Il était sur le tarmac et en fait, il s'est mis torse nu. Ouais. Et il a fait des pompes dans les soutes. C'est pas ta meilleure business news, non? quelle idée. C'est pas ma meilleure business news et en même temps, c'est tellement improbable. Quelle idée. Non, mais c'est quand même improbable. Ça, oui. Oui, c'est improbable. Oui, c'est improbable, on y est. Bon, je vois que ça vous plaît pas, j'enchaîne. Moi, je t'en rappellerai celle-là pendant des années. Alors, du coup, j'enchaîne avec ma quatrième business. En 2015, un Allemand de 45 ans, adepte du fétichisme et du bondage. Ouais, on est encore sur le olé-olé. On voit qu'il est 22h. Hein. On cherche un peu, quoi. C'est la libre antenne de Padgett, pour faire entendre. Alors, en fait, il s'est rendu compte qu'il a fait quelque chose sur lui. Et il s'est rendu compte qu'en fait, au quotidien, ça lui posait un gros souci. Alors, un tatouage. Est-ce que c'est sexuel, là? Pas spécialement. Est-ce qu'il l'a fait dans le cadre du fétichisme et comment du bondage? Comment ça, pas spécialement? Oui. Genre, il s'était percé les tétons. Non, mais c'est un peu dans le cadre. Non, il s'est pas fait percer le pénis. Il s'est fait quelque chose et ça lui pose, en fait, un gros souci au quotidien. Et qu'est-ce qu'il a comment fait, on peut rester écoutable à l'antenne et répondre à ta question? Il est 22h, on peut se lâcher un petit peu. C'est ni piercing ni tatouage. Non. Est-ce que ça a un lien, avec l'attrait sexuel ou c'est un lien avec le sexe? Est-ce qu'il y a eu une ablation de quelque chose? Non. Il a du mal à aller uriner par exemple suite à ça? Non. Est-ce que ça sort de l'autre côté du coup Non. J'aime bien l'idée, mais non. Mais non, vraiment pas. Non. Un indice, toujours pas. Non. Ben, c'est il a fait une opération pour quelque chose. Vraiment, il s'est rajouté quelque chose. Oui, c'est ça. Ah, il a fait une. Non, il s'est pas rajouté quelque chose. On va dire qu'il a. Il a amélioré quelque il chose. Il a amélioré. Ah, ouais, c'est ça. Un petit update quoi. Il a. C'est ça. Élargeur pénis. C'est ça. Exactement. Alors. Je vais vous donner le truc parce que c'est assez impressionnant. Alors, j'avais cru, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une photo. C'est pas tant insolite. Bah, en fait, où c'est insolite, c'est que il cherchait vraiment à avoir un énorme pénis parce qu'il complexait depuis des années. Et messieurs, dames, tenez-vous bien. Ah. 4,3 kg de pénis. Un beau bébé. Mon bébé ne fait pas ce prix aussi. Voilà. C'est dur. En fait, il dispose d'un pénis de 4,3 kg. Et en fait, ça lui pose un gros souci au quotidien, comme vous pouvez l'imaginer. On aurait pu l'imaginer facilement. Et du coup, la question que j'avais envie de vous poser maintenant... Vous avez déjà cliqué sur un spam élargeur pénis. Ça fait penser à une vanne de Pascal Demolon dans Fiasco qui dit... il met sur un spam élargeur pénis et il dit « Ah non, vous m'aurez pas deux fois. » Du coup, la question que j'avais envie de vous dire, parce que maintenant, c'est devenu assez commun et assez discret, si vous deviez vous refaire une partie du corps... Est-ce que vous referiez quelque chose ou vous dites non, j'ai rien. Morgane, tu veux commencer? Je te vois. La nature m'a fait comme ça, je serai comme ça. Bon, après, si j'avais la flemme un peu de maigrir, je dirais, bah, tu sais, une petite lipo, un petit, on perd un peu de bidou, quoi. Ah mais... oui, il t'enlève un bout, ouais, un bout, quoi. Il y a de quoi prendre, donnez aux Suisses. Toi, Mathieu, t'as un truc Non, parce que j'ai peut-être un bord. Comment? Regarde-moi ce bel homme, il n'y a rien à changer. Ah oui, non, ce serait peut-être le nez, je ne sais pas. Ça fait pas la personnalité aussi? Alors oui. Certains diront que ça fait la personnalité, après ça fait une certaine... Recule-toi un peu, il touche le micro. Il doit tremper dans votre tasse. Voilà, c'est ça. Tout à fait ça. Céline, toi, t'as un truc? Non, parce que la douleur physique me terrifie. L'idée d'avoir la cicatrisation qui suivrait me fait... je crois que c'est très douloureux souvent. Donc, ça me... Tout de suite, ouais. Donc, non. <Peut-être pas. rire> Eh ben, écoutez, j'enchaîne avec ma dernière. Mais attends, et toi, parce que tu nous poses jamais. Ouais, moi, je réponds jamais. Non. Non, je sais plus, pas. Peut-être un peu comme Morgane. Ne te vois pas en Facebook Live, parce que t'es de l'autre côté de la caméra, donc. Je peux pas vendre mon corps à la caméra, mais non, je sais pas. Une petite lupo. Ouais, voilà, en passant un petit coup d'aspi et... il m'en reste un peu, je vous le laisse. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, la dernière Beast News de ce 22h minuit pour les 40 ans de Fadjet. 40 ans de Fadjet, déjà. Je vous demande, messieurs, dames, qu'est-ce que le pétrichor? Pétrichor, déjà, est-ce que c'est un terme anglais? Genre, shore, c'est... Comment ça s'écrit? Ouais, ça, épelle-le. P-E-T-R-I. C-H-O-R. La boule noire. Peut-on avoir le mot utilisé dans une phrase? Oui. Bonjour, est-ce que tu veux que je te pétrichore? Alors non. On ne l'utilise pas comme ça. C'est un terme anglais? Non. Okay. Est-ce que pétrichore, c'est pour pétrir? Donc, comme le pain, pétrir. Rien à voir. Est-ce que c'est un très petit short? C'est un pétrichor. J'aime bien, mais non. Non. C'est quelque chose qu'on a au quotidien. En fait, on ne connaît pas le mot, mais on va le dire par d'autres biais. Okay. Ah, c'est un mot qu'on utilise tous les jours. Qu'on utilise de temps en temps. De temps en temps. Surtout à Nancy. Ah, c'est Lorrain. Non, pas spécialement. Okay. C'est quelque chose lié au temps. Ah, ce que j'allais dire, la météo. Ouais. C'est quand il pleut. C'est quand il pleut, mais un peu plus. Ah. Quand il y a une bonne averse, quand il drage. Non. Bah quand il y a un pétrichor, du coup, c'est... Du coup, il pleut, tout ça, il y a une bonne averse. Là, t'as mis un contexte, ouais. Et il y a un moment, il y a le pétrichor qui passe. Et tu racontes ta vie sur un son. Ce matin, je me suis levé, je suis triste. Non, pas du tout. Tu dis, mais quelle merde. Alors, j'ai encore fait un pétrichor. Je suis mal habillé. Je suis encore en pétrichor. C'est le moment précis à la toute fin de l'ondée, à la toute fin de la pluie. Alors, c'est, du coup, va plus loin dans... Juste le moment où il s'arrête de pleuvoir, t'as un espèce de taux d'humidité hyper haut et... Non, mais c'est quelque chose qui arrive à la fin de la pluie. Ah. C'est quand le bitume, il sent un peu le... Exactement, ah, c'est ça. Ça s'appelle le pétrichor quand il y a cette odeur après la pluie. Ah oui, je vois très bien. Ça s'appelle le pétrichor. Parce que pétrichor, du coup, c'est ça. On ça. Apprend en s'amusant, en fait. Ah, ouais. Oh là là, quelle émission. C'est pas sorcier, hein, très clairement. Dis donc, Jamie. Et voilà, c'était la dernière Beast News. La dernière Beast News, on est toujours là pour les 40 ans de Fadjet, 40 heures de marathon. Et Val, je crois que t'as un petit son pour nous. Oui, on part sur... En fait, on va remonter les années. Du coup, j'ai commencé en 1985 et c'est Tears for Fear avec Everybody Wants to Rule the World. Wow. Time. Je sais que t'aimes bien faire ces reprises comme ça. Tears for fear. Everybody. Ouh, vous êtes sur Fat Jet, c'est toujours les 40 heures de live. Et on est dans le Bizcast jusque minuit. On est toujours dans le Bizcast. Alors, pour ces 40 ans, on s'est dit, normalement, on a toujours des invités où on parle d'un sujet bien précis. Là, on s'est dit, on va parler de tout. Tout et de rien. Tout et de rien. On a quelqu'un de nouveau autour de la table. Je sais oui, pas si t'as vu, je vais l'introduire, si je me permets. On a Julie qui est avec nous, qui est déjà venue plusieurs fois dans le Bizcast. On peut l'applaudir, Merci. Est-ce que tu t'es déjà venue à la radio, Julie? Je crois jamais. Pas. Ouais, donc, tu veux te présenter vite fait pour les auditeurs? Qui es-tu? Je suis Julie. C'est oldies invité parce que c'était à l'époque où on faisait encore le Bizcast dans notre salon quoi. C'est presque. Ça. Le Bizcast à la base c'est un garage. Podcast et Radio Fat Jet nous a ouvert les portes. Accueilli grand les bras. On peut que les remercier parce qu'on est dans un confort et on adore être ici. C'est un plaisir. Merci Radio Fat Jet. C'est vrai. Là c'est un studio qu'on connaît pas. On va pas se mentir. C'est pas chez nous. Non, on est juste à côté. C'est mais ça. Là ça fait qu'on prend un peu nos marques mais c'est vrai qu'on est toujours très bien accueilli avec du bon matériel et on peut toujours se faire plaisir. Et du coup je vais enchaîner. C'était le premier sujet que j'avais envie de vous poser. Quel est votre premier souvenir de radio? Comment vous consommez la radio? Quelle place ça a dans vos vies? Je sais pas qui veut commencer, Céline? Ah bah, écoute, mes premiers souvenirs de radio, c'est très clair, c'est France Bleu Limousin. Waouh, ok. Voilà, dans la Ford de ma mère. Et c'est quoi le souvenir? C'est un journal? C'est une émission? C'est quelque chose de précis ou... C'est de la musique populaire, tu vois, déjà, donc de la musique souvent française. La variette. Ouais, de la variette, tu vois, c'est un lien un peu... Jauny. c'est mais comme les journaux, tu vois, les journaux locaux, c'était le populaire du centre chez moi qui existe toujours, mais oui, c'est un lien important avec le local, tu vois, la radio, ce que fait Fat Jet, mais ce que font aussi, tu vois, plein de radios partout, c'est le lien avec les gens, et c'est un lien très fort, et plus tard, on en a beaucoup parlé... Tout à l'heure, forcément, grandissant Skyrock. Hein. Ah, ouais. Les libres antennes. Morgane, toi, t'as... La radio. Ben, moi, la radio, c'est... Ouais, avant tout, c'est aussi un peu une histoire de voiture. Je pense que la radio, c'est quand même un truc qu'on entend pas mal dans la voiture pour les vacances, quand on part en vacances, quand on est enfant avec ses parents. Tu sais, ils essaient de t'occuper. Des fois, tu sais, il y avait les jeux sur la radio, des jeux musicaux, des trucs comme ça. Complètement. Rire et chansons. On a tous eu une petite période rire et chansons quand on arrive au niveau Lyon, souvent. En plus, on peut le dire, on a plus 30, ouais. Quarantaine. Et à l'époque, les voitures n'étaient pas aussi sophistiquées que maintenant, ça, où on peut ça. Mettre de la musique avec un téléphone, avec le USB. Le tour de la cassette de l'album de Mano. Forcément, t'étais sur rire et chansons, après. Oui. Nostalgie, quand même, une petite dédicace pour Nostalgie. C'est qui a bien accompagné le chemin des vacances. Samedi soir, soirée disco. Ouais. Ça régale. Ouais. Julie, t'as un souvenir Pareil, les émissions radio en voiture. Voiture. Les jeux, ça, les personnes qui gagnent un an de loyer radio. En criant fort un logo, un slogan. C'est vrai, ça. Et puis, bah, évidemment, Skyrock. Hein. Eh ouais. La libre Skyrock et. Les premiers émois. Ah oui, c'est ça. Toi, Mathieu, c'est quoi Effectivement, j'allais dire. Rire et chansons en voiture, hein, forcément. Hein, les fameuses blagues inconnues ou d'autres blagues qui maintenant, sketchs, peut-être. L'addition. Voilà. Oui. Voilà, ce genre de choses. Et Skyrock, ça je me souviens, Skyrock d'écouter, je me souviens dans mon lit. En cachette un peu. Oui, la petite oreillette, tu vois, pour écouter, tu te branchais avec l'antenne, j'avais l'antenne. Ah oui, juste avant que De Gaulle fasse son appel. Oui. Bah, il était sur la même fréquence, quoi. Difool, c'était soit Difool, soit De Gaulle. Voilà, c'est effectivement. Alors, des fois, j'entendais tant. Et nous, je faisais mince. Si tu tournes man la fréquence, c'est sur Difool, quoi. C'est ça. Ça, c'est Difool, ça, c'est Ragondin, tu m'entends? Ils sont revenus, copain. Val a un souvenir de radio? Moi, un peu comme Céline, c'était beaucoup dans la voiture, comme vous tous, et beaucoup pour les musiques. C'est marrant parce que je pense que quand j'étais très jeune, je cherchais des musiques, à entendre des musiques, tout ça. Et maintenant, c'est vraiment beaucoup plus des émissions à travers les podcasts, du replay. Oui, parce qu'en fait, le podcast, c'est un peu la suite de la radio. C'est un peu la radio de cette époque, quoi. C'est juste, vu qu'on n'a plus forcément le loisir d'être tout le temps devant le poste radio, on prend les émissions et les écoute après à des horaires différents, quoi. Complètement. C'est pour ça. Et du coup, j'enchaîne avec ça parce qu'on a parlé de D-Fool qui a pris les libres antennes qui ont pris beaucoup de place. Et du coup, j'ai fait un pêle-mêle de petites questions qui auraient pu passer. Ça va encore parler de boule ? Non. C'est très soft. Et du coup, je voulais qu'on en parle sans juger, mais qu'on donne notre avis comment nous, on pourrait gérer ça en tant qu'ado. Et la première question, c'est je suis amoureuse, mais je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Voilà, on a 13 ans, on replonge, on a 13 ans, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qui joue le rôle de Romano, du coup Mais vous, comment vous aviez vécu les choses la première fois que vous avez été amoureux ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous êtes allé voir la personne ? Est-ce que vous avez fait passer un messager ? Ce qui se fait beaucoup. Est-ce que, c'est comment, le petit mot qui passe de table en table. Veux-tu sortir avec moi ? Oui, non, comme la case. Non, t'es moche. Ça me fait penser beaucoup au film Les Beaux Gosses, notamment. On est obligé. Cette époque un peu ingrate. qui veut commencer ? Julie, toi, comment tu gérais tes relations ? Sous le bus. Ah, je déclarais rien du tout. Non déclaré, quoi. Ah bah, c'était le film dans la tête, et puis tôt ou tard, on passe à autre chose, et puis voilà, quoi. Donc t'allais pas voir, tu faisais pas le premier. Fallait qu'on vienne te voir si... Ah ouais, puis c'est non. C'est non. Non. Au suivant. Toi, Mathieu ? Oula, bah moi, c'est une grande timidité. C'est-à-dire... non, c'était un peu compliqué, ouais, après, pour demander. Mais quand tu te lances... Mais moi... Ah non, mais... Non, pour il replonge, messieurs, dames. Non, je me souviens, il y avait une... une jeune fille qui me plaisait. Et je me souviens l'horreur que ça a été pour demander. Mais ça avait pris un temps fou. Tu c'était en vacances. Tu lui as demandé quoi, exactement ? En fait, belle, je t'aime. Parce qu'en fait, à l'époque, tu demandais... Tu veux pas sortir avec moi ? Voilà. Bah oui, mais c'était ça, en fait. Tu disais, est-ce que ça te plairait de sortir avec moi ? En fait, c'était pour dire que tu... Essoufflé, apparemment. Il avait couru avant d'aller la voir. Mais non, mais je me souviens. Et en fait, elle m'avait répondu, « Ah, bah non, désolé, parce que c'est pas... En fait, j'aime une autre personne. » Qui n'est pas toi. Et donc, du coup, qui... Voilà, pas moi. Ou alors j'avais un don d'ubiquité, mais sinon non, c'était pas moi. Mais du coup c'était très formateur. C'est toujours formateur, hein, façon, hein, quand tu te prends, on sent que ça a été dur. Mais un beau moment glorieux que tu viens de nous parler. Céline, toi, tu as quoi comme souvenir? Un peu comme j'ai eu beaucoup d'histoires dans ma tête. Une énorme. Est-ce qu'il y avait pas un truc qui je sais pas comment ça se passe maintenant, mais vraiment que ça soit le garçon qui fasse un peu le premier pas? Ouais, c'est un peu l'inverse, parce qu'on avait les premières bombes aussi, et du coup il y avait le quart d'heure américain où là c'était les filles qui venaient inviter les garçons, mais c'est vrai que d'habitude normalement c'est plutôt les garçons qui doivent faire le premier pas. Alors si vous savez ce que c'est le quart d'heure américain, c'est que vous êtes peut-être un gars. C'était le moment des slow, qui n'existe mais plus le trop des slow, le moment des slow où justement c'était un peu les slow inversés, où là c'était normalement à la fille de venir demander de choisir son prince, voilà, de venir, ah bon. J'ai jamais vécu ça. Excuse-moi, c'est. Du coup, Céline, rien d'autre à rajouter ? Non. Mais c'est très drôle de t'entendre parler des booms et des. Je me demande, je sais pas s'il y a des jeunes qui nous écoutent. On est sur nous, c'était en TikTok. Hein. C'est la préhistoire qu'on est en train de. Oui, il doit y avoir des booms. C'est à 12 ans, quoi. Le lien au téléphone, je pense, change vachement le rapport amoureux, quand même. Oui, mais il y a quand même le côté. Je pense qu'il y a quand même le côté des anniversaires, ça se fête toujours ensemble. Ils font pas des anniversaires en apéro Zoom, quand même, j'espère. Ils doivent se voir à un moment. Si vous faites des choses, alors peut-être venez sur le live Facebook et chattez avec nous pour nous dire si vous faites pas des booms, qu'est-ce que vous faites. Les jeunes, allez les jeunes, venez chatter les jeunes. Venez toi, Morgane, toi, t'as. Écrivez sur Minitel, les jeunes, s'il vous plaît. les premiers émois, oui, c'était beaucoup. De toute façon, c'est des moments où t'as le physique qui est pas top, donc de toute façon, t'es pas en confiance, quoi. T'es pas du tout en confiance. Mais qu'est-ce que t'as pour être en confiance, là? Non, c'était une période ingrate. Merci. C'est une période ingrate où forcément, tu imagines beaucoup, mais il se passe pas grand-chose. Et après, oui, il faut avoir un peu le courage au bout du. On avait des chats MSN à l'époque. MSN. Et puis, il y avait des petits mots. C'est vrai que, comme tu le disais, il y avait des petits mots écrits. On avait MSN qui aujourd'hui est devenu un peu Messenger, on va dire, ou WhatsApp. C'est que voilà, on se discutait vite fait, parce que c'était le début d'internet, donc début d'internet entre grandes guillemets, mais on avait tout juste l'électricité, du coup fallait pédaler dans la cave pour pouvoir envoyer des whiz. Et du coup la question, j'enchaîne, du coup l'autre question, c'est j'ai peu d'amis, est-ce que c'est grave? quand on est au collège, est-ce que c'est grave de ne pas avoir d'amis, ou comment vous avez géré le truc quand vous étiez un peu seul, peut-être pas dans une bande, ou Est-ce que tu as une réponse à cette question, Valentin? Bah ouais, ouais. Non mais ouais, c'est grave, ouais. De peut-être à un moment de, il y a toujours, je trouve, dans un collège, un gars qui nous ressemble un peu ou une fille qui a les mêmes passions que nous. Ouais, c'est... tu penses qu'on peut partir sur déjà une bonne amitié pour un peu engrainer les autres, c'est bah, ça faire le premier pas, tu vois, ouais. Peut-être sur un loisir, je sais pas si t'aimes le foot ou le baby-foot, je sais pas, j'en sais rien. Pour, je sais pas comment vous auriez vécu le truc, mais moi, quand je me sentais un peu seul, j'essayais d'aller vers les autres. Bah moi, je pense que ça se passe un peu avant, ça se passe même avant le collège, tout ça. Enfin, après, nous, on a été dans des endroits où on bougeait pas trop. C'est-à-dire que moi, ma maternelle est au même endroit que mon primaire, et au même endroit que mon collège, et au même endroit que mon lycée. Donc, bah, mon copain que j'avais en maternelle, il m'a suivi tout le long. Après, tu te fais de nouveaux copains, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir moi, j'appelle ça un noyau dur, quoi. C'est vraiment les copains de base. Qui après vont avoir justement des loisirs en commun avec d'autres copains, et là ça fait après un plus grand groupe. Pour moi, l'amitié c'est très important. Oui, c'est pas grave si t'as pas d'amis, mais il faut essayer quand même de s'en faire. Après, je pense qu'on va être tous d'accord, mais en plus en grandissant, on a de nouveaux amis, de nouvelles rencontres. Bah après, je sais pas si toi, Julie, tu. Je trouve que ça dépend si t'es au collège ou au lycée, parce que au collège, je pense que tu peux le ressentir un peu moins et te sentir un peu moins seul. Après, au lycée, t'as quand même une sorte de chaîne alimentaire hiérarchique un peu malsaine. Wow. Les cheerleaders, l'équipe de basket, de football américain. On n'est pas loin de ça quand même. Les gens cool, les gens pas cool, les nerds. Les nerds. Quand on dit outre-manche, à ce qui paraît. Mais je trouve que ça dépend du contexte. Après, il vaut mieux avoir peu d'amis et qu'ils soient bons. Parce que souvent, on s'entoure quand même un peu de tout ce qui passe à cet âge-là. Ouais, et on ça t'invite peut-être de te faire influencer aussi, d'accord. C'est ça. De faire les mauvaises décisions. Mais après, bon, l'image est tellement importante à cet âge-là que c'est un peu compliqué d'être seul, quoi. Céline, je te vois hocher de la tête. Amen, elle me dit. Je crois, tout à l'heure, tu as commencé en disant qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette question, hein. C'était ça le ouais, truc. Ouais, ouais. Bah, je pense que si un jeune, tu vois, quelqu'un, un adolescent me disait ça, je pense que déjà, je vais pas minimiser ce qu'il dit, parce qu'on a tendance, adulte, à dire mais non, mais ça va passer. Ou... Tu minimises vrai. Un peu pour rassurer, tu penses bien faire, mais je pense que c'est terrible comme réponse. Et je veux dire que vraiment, la solitude, je trouve, quand t'es adolescent, mais c'est terrible, terrible, terrible, ça peut être un truc hyper dur à vivre. Et de dire qu'on est désolé, que ça doit être difficile. Et que, effectivement, de te rapprocher sur quelqu'un qui a des loisirs, d'essayer de donner des conseils peut-être, et pas de dire oui, c'est dur, ça va passer, mais c'est pas grave. Ou... Ça peut être grave, tu peux le vivre comme quelque chose de grave de pas avoir beaucoup d'amis. Ouais, je pense que pour moi, j'aurais pu le vivre terriblement. Moi, ça peut être une exclusion par la force des choses, quoi. Mais après, je pense, pour revenir là-dessus, je pense vraiment que les loisirs, les activités peuvent t'amener à faire vraiment d'autres amis. Au début, des amitiés assez simples, puis qui peuvent devenir avec la multiplicité des rencontres, tout ça, des amitiés plus fortes, quoi. Donc, je pense que c'est important de faire quelque chose pour ça. Et encore à notre âge, ça marche un peu comme ça. Quand on va dans une asso ou quand on fait un loisir, on rencontre des gens qui deviennent après des amis aussi. Mais il faut assumer tes loisirs, et ça peut être dur quand t'es jeune. Tu peux aimer un loisir hyper has-been, tu vois, et en fait, c'est... On veut un exemple. Tu parles au président du club de Yu-Gi-Oh! Les nerds, apparemment. True story. Mais ça peut être dur, tu vois, de te rapprocher d'un loisir, mais si c'est un loisir qui est moqué, c'est sûr que c'est facile d'aller vers ceux qui aiment le foot, tu vois, ceux qui vont faire de la musique, mais t'as des loisirs où c'est un peu dur d'assumer aussi. Donc... Heureusement, j'avais le dragon blanc aux yeux bleus. Enfin, ce qui te rendait vraiment plus cool. Du coup, j'enchaîne et je te laisserai la parole, Mathieu, parce qu'on t'a pas laissé parler. Comment tu réagissais, toi, quand on se moquait de toi? C'est le moment du sem total. C'est la libre antenne, vraiment. C'est la libre antenne. Un peu dépressif. J'ai pas d'amis. Comment je réagissais quand on me. Vas-y, attends. Quand on se moquait un peu de toi. Pas très bien. Il est énervé, il a le poing serré, vous le voyez pas. Les jointures sont blanchies. C'est ça. Comment tu veux réagir? C'est soit tu. Tu frappes. Oui. Non, on ne prend pas la violence. Non, on. On ne prend pas la violence, ça peut être utile. Après, il y a le côté tu fais avec. L'indifférence, souvent on dit il faut laisser parler. Oui, alors après avec ce truc-là de l'indifférence, c'est beaucoup les adultes qui ont fait non, mais t'inquiète pas, n'atteins pas la blanche colombe. Mais c'est un peu côté non, mais parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont ça. Mais en fait, c'est. Horrible conseil. Voilà, c'est difficile. Non, mais voilà. Plus prétentieux. Tout le monde te déteste encore plus. Ça t'en prend encore plus à la tête. Oui, quoi. Non, mais c'est un peu compliqué de vivre avec ça, parce qu'en plus, t'essaies de trouver après, quand on se moque de toi, du coup, qu'on te fait du mal, parce que c'est te faire non, du mal sûr, aussi, se moquer. Oui, c'est oui, complètement. Je pense que tout le monde autour de la table va être d'accord. On a tous, à un moment, été un peu moqué. Parce que bien c'est sûr. Toujours un moment un peu compliqué, le oui. collège, le lycée, bien on sûr. Cherche. Puis, t'as virage, hein. Quand tu réfléchis maintenant aujourd'hui avec le cyberharcèlement, ou quand tu rentres chez toi, t'es encore harcelé ou moqué. Oui. Faut pas oublier aussi qu'il peut y avoir maintenant, je crois, des associations, j'ai pas de nom en tête, mais rechercher sur Internet, il y a des associations sûr. Contre le cyberharcèlement qui peuvent aussi faire du soutien, notamment aux personnes qui sont atteintes de ça. Donc c'est hyper important. Non, parce mais... que ça, là-dedans, je pense qu'on se sent vraiment très seul. Ouais. Plus que quand on n'a pas d'amis, pour le coup. Bah, surtout que les parents sont peut-être pas les bonnes personnes avec qui parler dans ce moment-là. Ah, je sais pas, je pense quand même qu'il faut, il faut quand même... Moi, je pense qu'il faut toujours en parler à ses parents avant tout. Parce, bah après, parce que moi aussi, j'avais une relation très bonne avec mes parents, donc forcément, si on a une bonne relation avec ses parents, c'est important de partager avec eux pour qu'ils puissent t'aider, te guider s'il y a besoin de faire quelque chose pour ça. Mais après, ça dépend aussi de la réponse que t'attends, en fait, de ça. Non, mais la réponse, c'est-à-dire que toi, en tant que victime, parce qu'en fait, quand tu vas en parler après aux adultes, c'est les adultes, ils vont te dire quelque chose, mais est-ce que c'est la réponse que t'attendais? Oui, c'est cool. Parce qu'en fait... légalement, d'avertir un adulte non, mais légalement... pour éviter parfois le pire, c'est juste ah, ça. Ah, bien sûr. Faire une main courante à la mairie. Non, mais bien sûr, mais après, voilà, c'est est-ce que la réponse est satisfaisante ou pas pour la victime, Ah bah, l'empathie sera peut-être pas suffisante. Oui, c'est parce qu'il y a quand même, tu vois, qu'il y a une différence entre ce que ressent un jeune et un adulte après, parce que quand t'es adulte, t'as d'autres en manières de penser. En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, dans un cas comme ça, quoi qu'il faut, il faut en parler, toujours. Chercher de l'aide. Voilà, c'est très important. Céline, tu veux conclure? Mais regarde, c'est une note positive. Fais-nous rire, peut-être. Fais-nous rire. Bon, c'était. Sans le vouloir, c'était peut-être le moment deep. Je pense que pour le coup. Et pas un truc de cul pour finir. Tu demandais comment on avait géré. Je pense que c'est une panique de dingue quand t'es jeune. Bah, de toute façon, tout est fois mille. C'est vraiment très dur. Et je pense vraiment que de dire de laisser passer, c'est un truc. Moi, je pense que c'est le pire conseil qu'on m'ait donné. Non, vraiment, c'est plutôt trouver comment apprendre à te défendre. Parce que. Verbalement, quoi. Ben non, mais oui, bien sûr. Idéalement, verbalement. Moi, je pense que c'est ce qui m'a. Krav Maga aussi. Ça a développé un sens de la répartie très fort chez moi, je pense d'ailleurs. Mais tardivement aussi, mais par défense comme ça. Mais... Ah oui, les paroles peuvent être beaucoup plus blessantes des fois que les. Ça, c'est compliqué de rien faire. J'ai peur que tu apprennes un peu à courber les chines tout le temps après. Oui, ok. Et ça, c'est pas très bon, je trouve. Mais voilà, défendez-vous. Et ben écoutez, messieurs, dames, c'était le quart d'heure deep du biscuit sur ces deux heures. C'est des discussions qui pouvaient y avoir, notamment dans les émissions dont on parlait tout à l'heure de Skyrock. Souvent, ça tournait un peu autour du tronc de Noël. Mais parfois, c'était aussi des amis qui avaient des soucis, des problèmes. C'est devenu Jean-Luc Reichmann quand il y a un Et ben écoutez, on va enchaîner avec une petite musique. On planche dans les années 1995. Un duo français, je sais pas si ça vous dit quelque chose, avec des casques. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui. Les punks débiles. Thomas Bangalter, Guy Manuel de Christo, Da Funk. Et on est de retour sur Radio Fadjet pour les 40 ans, les 40 heures, le marathon des 40 heures pour les 40 ans de Radio Fadjet. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook Live, je crois qu'il y a un live vidéo si vous voulez dans voir le chat. Ma frimousse, celle de Mathieu, de Céline, pas celle de Julie qui est anonyme. Et Val qui est caché dans sa loge technique. Je suis au Pérou. Donc, vous ne le verrez pas non plus, mais il est plutôt beau gosse si vous cherchez. On enchaîne avec un petit jeu pour le tien. Bah oui, le tien, c'est ton moment. C'est parti pour le Père Biscast, raconte-nous une histoire. Biscast. Raconte-nous une histoire. Biscast. On entend vos rires, ça me vexe. Quel mental. Biscast. Mets tes lunettes et les Alors, le jingle n'est pas fait en live, oui, pour non, ceux qui se demandent. On peut le faire, mais c'est pas le cas. En tout cas, on s'est pas du tout moqué de moi et ça me va. Donc, pour ce Père Biscast, raconte-nous une histoire. Je vais vous faire raconter des synopsis de films un peu modifiés en y intégrant des références à diverses stations de radio. Et vous devez retrouver le titre de l'œuvre modifiée en y intégrant évidemment la référence. Comme d'hab, le nom doit un peu toujours fonctionner à l'oral. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ça, je vais vous faire un exemple. Comme ça, vous l'aurez. C'est donc ce premier exemple, c'est l'adaptation d'un jeu vidéo PlayStation Studio qui raconte les péripéties d'un duo entre un robot et la meilleure radio nancéenne qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Alors faut connaître, c'est assez de niche, mais c'est le seul jeu de mots. Moi je pense que je l'ai. Dis-moi. Fadjet et Clank. Exactement. Fadjet et Clank. Donc vous avez compris, c'est radio. Donc c'est Fadjet la radio. Fadjet la radio et même si c'est plus qu'une radio et Ratchet and Clank, c'était le film adaptation du jeu vidéo doublé par Squeezie Ratchet. Ah oui, c'est vrai. Le Squeezos. J'enchaîne avec un, peut-être que vous aurez plus. Wayne Szalinski est un savant excentrique. Il a transformé une station de radio musicale privée française destinée à un public adulte féminin en véritable laboratoire dans lequel il peaufine sa dernière invention, une machine capable de miniaturiser la matière. Notamment, peut-être, ses enfants. Chérie FM, j'avais pris les gosses. Bien joué. Allez, en cœur en plus, à deux, quoi. Ouais, bravo. Ouais. Double point. Je me permets de t'arrêter pour... Je vois qu'il y a un petit bonjour du Québec, ça fait plaisir, ça. On embrasse les gens qui nous écoutent du Québec. Bonjour, ça fait plaisir. À l'international. Radio Fadjet, international. Ce n'est pas que Nancy, et c'est plus qu'une radio, encore une fois. Oh là là. Josh est un jeune garçon solitaire et timide qui vient d'emménager dans une nouvelle ville après la mort de son père. Dans son jardin, il trouve une station de radio française d'origine luxembourgeoise et décide d'en faire une star du basketball. Waouh! C'est hyper spécifique, là. Bah, y a Attends, RTL? Alors, dans le principe, normalement, on ne doit pas dire les deux trucs, sinon ça ne marche pas. C'est quand t'as le mélange que t'as le droit de oui, dire. Oui, bah, c'est pour ça. Donc oui, la radio, c'est RTL. Et du coup, c'est RTL? Non, et du coup, le film, c'est un enfant qui trouve... pas une radio de toute évidence dans son jardin, mais il trouve quelque chose dans son jardin, un animal peut-être, et il lui apprend à faire du basket. Waouh! Vous l'avez pas? Ah non? Un chien qui fait du basket, vous l'avez pas? Oh là! Oh, oh! Alors? Ah non, mais en plus j'ai l'image. Mathieu, il faut que tu donnes le titre. Ah non, mais là je le balance. À part les kangous juniors qui font du basket, je ne vois pas. Il y a aussi Air Bud, donc il y a RTL Bud. Non, oui, j'avais pas vu tout. Ah, désolé, excusez-moi. C'est pour les vrais cinéphiles. Oh, mais j'ai l'affiche en plus. Airbud, en tête, le Golden Retriever là, qui fait du basket. C'est ça qui fait du basket, tout à fait. Ouais, bah, désolé, vous l'avez. Oh là là, Oscar. Un film à Oscar. Une émeute éclate dans la cité des Hit Music Only. À la suite d'une bavure policière, au petit matin, trois copains se retrouvent. Il y a la Saïd, un petit délinquant, Hubert, un jeune boxeur impliqué dans une association pacifiste, et Manu, très fier d'avoir repris les clés du 6-9. NRJ. La NRJ. Bien joué. Oh là là, c'est beau. Incroyable. Ah, il y a du cinéma français. Bien. Ah, c'est pour les professionnels. Hein, Mathieu Kassovitz nous écoute. Ah ouais, on peut peut-être taguer Mathieu Kassovitz. C'est exceptionnel. Paul Lefebvre, je nous écoute. C'est bon là. Malotru, Skip. Vous commencez à être un peu chaud dans le jeu, c'est bon, on peut partir sur des jeux de mots vraiment plus éclatés. Allez. Nick Marshall, célibataire divorcé, collectionne les conquêtes féminines. L'arrivée d'une femme à la tête de sa station de radio privée française musicale le contrarie fortement. Au cours d'une réunion de présentation, elle charge Nick de trouver un slogan pour remplacer l'ancien slogan le meilleur de la musique. Le soir, chez lui, Nick s'amuse enfin à enfiler des sous-vêtements et se maquiller, mais s'électrocute en glissant dans sa baignoire avec le sèche-cheveux à la main. À son réveil, il découvre qu'il est capable d'entendre toutes les musiques qui passent sur la bande FM. Si dans le chat vous avez quelque chose, envoyez-le parce que nous, là, on n'a rien. Alors, Mel Gibson. Mel Gibson. Ben oui. Donc, ce. Mel Gibson alors, qui a un inter noir très oui. bien. Non, mais j'ai le titre du film. Maintenant, il faut avoir la radio, oui, la radio qui va jouer un peu sur le jeu de mots. Oh là là. Pour c'est quoi le slogan, tu disais le slogan Le meilleur de la musique. RFM, pardon. Donc. Ce que, bah c'est ce que veulent les RFM. Ce que veulent les RFM. Ce que veulent les, wow. ce que veulent wow. les femmes et RFM. Et excusez-moi, les gars. Il est 23h, les gens ont une semaine dans les pattes. Hein. C'est vrai. Ah, je savais pas qu'on allait ressortir le film Ce que veulent les femmes. C'est quand même, hein, c'est... Alors, c'est un film qui a peut-être très mal vieilli. Ah oui. Mais qui, quand même, en son temps, c'est quand même un classique. Enfin, moi, c'est un film que je tombe dessus à la télé, oui. je reste dessus. À l'époque, oh. Ça n'avait pas vieilli. À l'époque. À l'époque. À sa sortie, ça n'avait pas pris. À l'époque. Non. On enchaîne avec un film qui débute alors qu'une force paramilitaire dotée d'armements et technologies hautement évoluées attaque l'unité d'élite de l'OTAN qui transporte une playlist datant des années 80. Le capitaine Konrad Dukehauser et le caporal Wallace Ripcord Wims s'en sortent grâce à l'intervention de vieux animateurs faisant une émission sur le thème de la nuit américaine. Ils vont être rejoints pour combattre Cobra, ça c'est peut-être le truc qui peut vous dire ce que c'est, mais il faut connaître, pour combattre Cobra, l'organisation secrète qui a dirigé l'attaque. Alors, wow. ça c'est difficile parce que j'ai eu du mal à faire un jeu de mots. Mais en gros, alors, un petit indice, c'est des jouets à la base. C'est des jouets militaires. Alors, je vois le film, mais j'ai pas le. C'est pas G.I. Joe ? J'ai pas le. Ah. Et une radio qui passe des vieux titres des années 80 ? G.I. Joe. Nostalgia Joe. Merci. Oh, bien joué, bien joué. Nostalgia Joe. Nostalgia. Et bien joué à Jonathan aussi qui avait tout à l'heure la réponse dans le chat. Merci. Ah, bravo. C'est si fort. Doc est en échec aussi bien professionnel que sentimental. Lui qui se rêvait comique à New York rentre à Paris après avoir échoué. Il rencontre D-Fool, co-animateur d'une libre antenne avec des thèmes très olé olé. Dans les années 90, je précise, première partie de la. Avant 98. Voilà. Avant 98, tout à fait. La radio envoie alors la bande sillonner en bus les routes de France pour conquérir le public. Oh. Donc un humoriste raté qui va faire de la radio pour... Un film français avec un humoriste dedans qui a fait de la radio aussi. Un humoriste que j'aime beaucoup. Radio Loving Fun ? Non, alors c'est le Fun Radio Star. Tout à fait. Je vois bien. Il m'en reste deux, on va essayer de le faire avant le top horaire. Le film raconte l'histoire du jeune Reginald Dwight qui d'abord un pianiste timide va peu à peu se révéler être une superstar et faire alors son planète rap avec tout son crew. Donc Reginald Dwight, c'est son nom de vrai, mais c'est pas son nom de scène. Son nom de scène sera Elton John. Alors, il faut que vous ayez avec une radio qui fait des planètes rap. The Skyrocket Man. Oh, bien joué. Ah, là, là. Très bon sûr. Film au passage. Ah oui. De quoi, The Skyrocket Man? Ouais. Rocket Man, du coup, j'imagine. Oui, avec Rocket Man. Une parodie. Il m'en restera un, mais peut-être que je le ferai juste après le tour. Non, t'as le signe, tu peux le faire. Attends, je le signe. Ok. Durant un festival célèbre, le chroniqueur d'une mauvaise émission de radio sont assassinés successivement par un mystérieux tueur armé d'un marteau et d'une faucille. Le milliardaire propriétaire de la radio, Vincent Deray, comprend rapidement l'intérêt des meurtres pour la notoriété de l'émission et engage un garde du corps, Cyril Karmazov. Oui. Donc, non, on a le film, mais... La radio, avec Vincent Bolloré et Cyril Hanouna. Il fait pas que lui, mais Europe, surtout... La cité de la peur, Europain. Ah, bien joué. Voilà pour mon jeu, les gars. Bien joué, Morgane. Tu nous as régalé. Beau travail. Ah, bravo. Et ben, on part sur. Il est 23h. Il est 23h. Et donc, on part sur le top horaire. Flagget. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Il est 23h. On attaque la quatrième heure de direct. Belle soirée à l'écoute de Flagget. Comment t'es arrivé à Flagget ? Alors, je suis arrivé à Flagget en 2004 où j'ai démarré une émission qui s'appelait Warm Up dans laquelle en tant que DJ je jouais une heure de musique, particulièrement c'était de la house new-yorkaise avec aussi un petit peu de disco, ce qu'on appelle le disco underground des années 70 américains, beaucoup d'influences dans le jazz, dans la soul, dans la musique afro, Et cette émission, en fait, je l'ai animée pendant 17 ans, puisque j'ai arrêté en 2021 pour passer justement sur l'émission Digging Up. Comment je suis arrivé à Fadjet ? Parce que j'avais un ami qui faisait des émissions sur cette station et qui m'a informé qu'il n'y avait pas d'animateur classique à l'époque, donc on est en 1993. Et j'ai tenté ma chance, j'ai envoyé un projet d'émission, j'ai fait un pilote et comme beaucoup, j'ai été admis parce que ayant déjà eu une petite expérience radio, le pilote avait donné satisfaction. Joyeux anniversaire à Fadjet pour ses 40 ans, que ça dure encore 40 ans au minimum, voire plus. Fadjet, 4 décennies de voix qui rassemblent. Et on est de retour sur le Biscast pour les 40 ans et les 40 heures de live de Fadjet. Val, qu'est-ce qu'on enchaîne sur quoi ? Alors écoute, moi je te propose de faire un jeu. Ah, on enchaîne avec un deuxième jeu. Il nous régale, c'est jeu sur jeu. Écoute, alors vu qu'on est sur les 40 ans de radio, et la radio, je pense que comme moi, vous l'avez vécu, on entendait une musique, derrière il y avait une actualité, une musique, des fois on cherchait une fréquence, il y avait les deux en même temps. Et du coup, j'ai demandé à un de mes cousins, en fait, de trouver un jeu par rapport à cette thématique. Et il a fait un caractu ok. Donc, du coup... Est-ce que ce cousin va chanter un moment ? Le cousin va peut-être chanter. Alors, du coup, il a mélangé des musiques de variété française avec des actus. Okay. Qui peuvent être... C'est des grosses actus, c'est des trucs... Pas spécialement. Okay. C'est des petites actus, il okay. y a un peu de tout, il y a des... Vous allez on voir. On va voir, on va voir. Et du coup, le but, c'est qu'en fait, il chante une sorte de devinette. Ok. Et vous devez deviner... en ayant la chanson aussi, quand même. En ayant la chanson, petit c'est petit ça. Petit côté tu me connais. Oui, oui. Donc du coup, c'est un grand moment que vous allez vivre sur Fadjet, ouais. là. J'ai déjà les poils. Ah, oui. Tu peux nous faire un exemple, s'il te plaît ? Le nom du cousin ? Alors, le nom s'appelle Val... Germain, il s'appelle. C'est mon cousin, Germain. Germain. Il s'appelle Valenton. Bah du coup, on va commencer avec une première qui est assez simple. Vous allez voir, on se met tout de suite dans l'ambiance. Et j'espère que vous allez me suivre. Mais bien sûr. Allez. Je l'ai. Oui. Je me présente, je m'appelle Woody. Je fais régner la loi par ici, shérif mais. J'ai mon chat pour mon associé. Et surtout mon pote Jesse. Mais j'avoue, c'est pas facile tous les jours. Et des Michel. De très beaux aigus. Je suis un jouet. Je suis là pour mon copain. Oui. Je veux qu'il m'adore et qu'il joue bien, qu'il joue bien. Mais un jour il a eu un cadeau. Un astronaute un peu trop beau. Et là j'ai compris que ça allait être le chaos. J'espère qu'on a vraiment oui, le oui, refrain qui arrive là. Ouais. Oh là là. Allez, c'est que très Fadjet. Tous ensemble. Et partout dans la chambre, tu vois qu'on parle de lui. Ce petit gars en combine qui croit qu'il peut voler. Qui part en star comet. Moi je suis en déclin. Y'a que mon vieux pote serpent dans mes bottes qui me comprend. Voilà, c'est beau, putain. Parce que je suis heureux qu'on soit en live. Oh là là là là. Si vous vous demandez où vous êtes toujours sur Fadjet. Hein. Grosse semaine de travail, le cousin. Bah pour le cousin, ouais, il a beaucoup bossé. Du coup, est-ce que vous avez trouvé la chanson déjà? Moi j'ai oui. tout. J'ai tout. Alors vas-y, moi. Le chanteur. Oui. Donc c'est Daniel Balavoine, si je me trompe. Exactement. Pas. Et je crois que ça parle de Toy Story. La Exactement. Toy Story c'est 99. Ça. Voilà. Balavoine. Alors, non, Balavoune. Quoi. Enroué. Balavoune, quoi. Après enfin, le Dakar. Après le Dakar. Après l'hélico. Et du coup, si vous voulez bien, on repart parce que mon cousin en a fait 4 de plus. Avec plaisir. On boit ça comme du petit lait. N'hésitez pas dans le chat si vous aimez. Ah bah oui. Si vous aimez l'artiste derrière. Il sera retourné, on vous donnera le cousin Germain là. Et ben, on est reparti. J'ai trop mangé sans réfléchir, trop. trop épicé, je vais le sentir, j'ai trop plaisir, mais c'est t'es un mirage, mon ventre est en naufrage, j'ai compris trop tard, l'erreur fatale, c'est dur. Les crampons, c'est infernal, jusqu'à ce que ça s'emballe, il faut que je m'installe, je veux juste une dernière chance, avant la honte et la souffrance. Un vertige puis les urgences. Je veux juste une dernière chance. C'est que là, t'as ouvert des portes en mais fait. Oui. Voilà. Mais oui, c'est incroyable. Je vais me lancer aussi. Je le sentais venir, mais c'est pas de ma faute. Mon estomac fait la révolte. C'est une douleur qui s'accroche, qui partira pas d'un reproche. Je connais l'histoire. Difficile celui-là. Dans mon corps, je sens la tournade. Il a attendu les 40 ans de Fadjet pour faire ça. Quel honneur. Juste une dernière chance avant la honte et la souffrance. La souffrance. On l'a, la souffrance. On y vient. Je veux juste une dernière chance. Mais c'est exceptionnel. Mais il faut le numéro de ton. Et peut-on avoir le numéro de ton cousin Gérard? Parce que c'est incroyable. Peut-être pas. Mais... Du coup, la chanson. La chanson, tout le monde l'a. Une dernière dent. Ouais. Ouais. Mais l'actu, je l'ai passé. Un kebab qui est mal passé à mes yeux. Bah, c'est quelque chose qui est traité des fois à la radio l'hiver. Ah, oui, les marronniers. Bah, oui. La gastro, l'épidémie de gastro. Voilà, quoi. Exactement. Exactement. On est là-dessus. Ouais, c'est... Vraiment, l'actu. Ah, là, c'est... Actu chaude. Actu chaude. Un marronnier, quoi. Bon, il y en a trois autres, je sais pas si vous voulez... Un marronnier plus marron que les autres. Et ben, on est reparti avec la troisième chanson du cousin Germain. On est toujours sur Fadjet. Oui, on est toujours sur Fadjet. On est parti. Peut-être juste un couplet, peut-être. Si on peut couper avant. Ah non, on a pu couper ça. Il y a des vocalises. Et même si le temps défile, oh là là. Les rôles s'enchaînent, si Hollywood m'appelle, je crois pas, je rejouerai les scènes. Et même si l'on m'arrête, ou même si l'on me sous-estime, c'est que ça, je peux l'enregistrer et le garder. Hein. Je suis le boss du cinéma, un regard est tout sali. Oh là là. Au bout du ciné. Allez, tous ensemble. J'irai au bout du ciné. Où l'homme est vivant. Tout au bout du ciné. J'irai au bout du ciné. J'espère que vous chantez aussi à la maison. Tout au bout du ciné. Où Scorsese m'attend. Tout au bout du ciné. Est-ce qu'on a besoin de... On peut arrêter là. En fait, il y en a d'autres, du coup, je veux pas... Il y en a deux autres, oui, t'as raison. Non, mais après, t'as travaillé. Mon cousin. Du coup, est-ce que vous avez... Bon, clairement, il est question de cinéma, j'ai compris. Oui. D'une personne. Alors, déjà, si on l'avait pas, on a Jean-Jacques Goldman, J'irai au bout de mes rêves. Oui. Et il est question d'une personne, moi je l'ai peut-être, mais je vais peut-être laisser la chance aux autres. J'aurais dit Quentin Tarantino, peut-être. Non. Ah... Non, c'est un américain à Hollywood ou on est plutôt sur une personne, genre un acteur français qui rêve d'Hollywood? Non, un acteur américain d'Hollywood. Un acteur? Oui. Brad Pitt? Non. Robert De Niro? Exactement. Oh Robert là. De Niro. Oh, bien joué. Mais je me suis dit, j'irai jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout, je me suis dit, bon, il se rapproche quand même, hein, vers... c'est-à-dire que... Il est au bout du bout, là. Au bout du bout, oui, non, oui. Enfin, ouais. Désolé, hein, Robert, mais... Je vois que dans le chat, ça s'anime très fort, je comprends. J'en parlerai à mon cousin. Je crois qu'il y a une manifestation devant la radio. Eh bien, écoutez, je vous envoie le quatrième, si vous le voulez. Ouais, avec grand plaisir. Sûr, allez, on est parti. Quoi. Je n'ai jamais été aussi heureux qu'à cette table-là. Une assiette fumant, un plat doré comme ceci. C'est en Italie. en Italie où il faisait chaud. Une recette qui existe depuis des siècles. Là-bas, on l'appelle pasta al forno. Avec la sauce rouge, tu ressembles à un tableau de Michel-Ange. Et je me souviens, je me souviendrai très bien de ce que je me suis dit ce jour-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité. Ah oui, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, ouais. On en mangera encore quand tu voudras, où tu voudras. Et on savera toujours. On savera toujours. Quand le plat sera froid. Ah. Toute la vie sera pareille à ce festin. Allez, tout le monde les bras en l'air. Au bon goût de l'Italie. Oh, c'est un délice. Alors, ah, c'est un délice. Ah ouais, il voilà, y a une actu derrière toi? Bah, il y a quelque chose, ouais, oui, il y a quelque chose. Il y a un plat. Moi, je m'attendais à ce que tu racontes qu'il y ait du cheval dedans, peut-être, ou un truc comme ça, tu vois. Bah, oui, oui, oui. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je sais pas si quelqu'un d'autre là que toi. Bah, les lasagnes Buitoni, là. Non, c'est exactement, c'est ça. C'est des lasagnes. Des lasagnes. Vous avez la musique? La musique. L'été indien. L'été indien. Aux couleurs de l'été indien. Écoutez, messieurs, il y en a une dernière. On va finir en beauté. On en veut plus. Plus quand même. Et ben on est parti, ça va être la fête là. Allez. Oh. En gros. Oh. Et ça danse dans le studio. On l'attend et on l'appréhende la fête du cousin. Y a pas de raison pour qu'il cesse sa course au fond. Pas de raison pour qu'il perde l'élan. Dans tes doigts, il file et refile. Hypnotique, il danse au gré du vent. Tu vois que l'effet qu'il te donne est fait pour toi. Tente de tour avec lui, tu compteras. Il file et ne jamais se s'arrête. Il tourne, tourne, tourne sur tes doigts enflammés. Et il glisse. Je l'ai. C'est là? Sans jamais s'arrêter, ce rythme qui l'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi un peu un trouble autistique. Et il tourne, tourne, tourne sur tes doigts enflammés. Et il glisse, glisse, glisse. Je l'ai, je l'ai. Sans jamais s'arrêter, ce rythme qui l'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Et un trouble autistique. Alors. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé? Moi, je l'ai. Ouais. Quelqu'un d'autre, c'est là? C'est un objet? C'est un objet. C'est un objet. Ouais. C'est de la folie. C'était une folie. Ouais. Je l'ai aussi. Vas-y, Céline. Je cherche son nom. Le Hand. Ah, le hand spinner, là. Le hand oui, spinner. Exactement. La folie du hand spinner jusqu'au bout de la nuit. Eh oui, c'était ça. C'était début ça. De soirée. Bien joué. Bien joué. Oh non, mais bien joué. Bravo. Bien joué. Bravo. Merci, bravo. Merci, bravo. Merci, merci à mon cousin. Bravo, voilà. Cousin. Merci à mon cousin. Mais comment il a fait, là? Parce que. Attends, parce qu'il a un Spotify, il a un truc. Mais on peut le suivre quelque part ou pas? Je vais lui demander. En tout cas, vous pouvez peut-être le suivre sur le Biscast. On n'est pas à l'abri qu'ils reviennent. Ah oui, exactement. Peut-être en format plus court, parce que bon, il y a un moment, ça devient douloureux, mais... une petite pensée pour la collègue du cousin qui, sans le savoir, a entendu ses chansons être fredonnées toute la semaine. Elle était au courant que le cousin réécrivait là-dessus. Dingue que tu le connais. Une collègue, elle connaît. Ça, ouais. Ah, okay. Mais écoutez, moi, je vous propose peut-être une vraie musique. Oui. Une vraie musique, si ça vous va. Peut-être pour soigner les oreilles. Exactement. Alors, je regarde, on est en 2005, normalement. En 2005, c'est ça. Un petit clip avec des bodys, de la sueur. Je sais pas si ça vous dit Push quelque chose. Me? Non. Ah, Call on Me. Eric Pritz, Call on Me. Vous êtes toujours sur Radio Fadjet. On est sur les 40 heures, le Biscast. On est parti. Blonde Me. Waouh, on est toujours sur Fat Jet et on va passer un petit jingle. Fat Jet. Une radio locale, citoyenne et solidaire depuis 40 ans. Et voilà pourquoi on est là, c'est les 40 ans de Fat Jet, les 40 heures, on est dans la quatrième, donc on débute les 40 ouais, heures. Là on est là au début, nous, c'est on ça, fait l'échauffement là. Il y aura du live toute la nuit, nous on revient très tard dans la nuit. On repasse, même on parlait de début de matinée. Ouais, ça sent les croissants tout, petit à petit. Avec les boulangers, on sait avec les boulangers. Mais restez, si vous êtes insomniaque, restez sur Fat Jet, il y a du live toute la nuit et ça va continuer jusque dimanche. Jusque dimanche, ouais. Et du coup, on enchaîne un peu sur la thématique qu'on avait pas du tout. Aucune thématique. Et du coup, il y a les sujets un peu pêle-mêle. Oui, mais et là, j'en avais un. Du coup, c'était... j'ai trouvé, en fait, 25 débats. Ok. Complètement nul. Oui, parce que... Bah, si, la thématique, je trouvais, elle est quand même là. Parce qu'on est quand même encore sur une histoire de radio. C'est-à-dire complètement. Que les débats... Avant que ce soit les débats télévisés, vous n'avez pas le monopole du cœur, Monsieur Mitterrand, Monsieur Chirac. Je suis une vieille personne. mais avant tout ça, c'était à la radio. Donc, les débats, c'est la radio. C'est les grandes gueules. C'est là pour débattre, quoi, pour dire, mais enfin... Et ben, il y avait des émissions... Cyril Hanouna sur... Je pose la question. Il y avait des émissions très sérieuses et on avait d'autres moins. Et là, du coup, je vous amène sur 25 débats qui sont nuls. À chaque fois, on les a... Ah ouais. Je vais vous donner le premier. La coriandre. Ah, voilà. La coriandre. Okay. Et, la coriandre. Qui est pour, qui est contre? Dans ma liste de pêle-mêle, j'ai un débat comme ça. Je te le dis après. Ah, voilà. Bon, du coup, c'est sympa, la coriandre. 100% pour. Alors, il paraît que la coriandre, ouais. c'est un peu comme tous ces trucs. Ouais. C'est genre, qui soit dans. On aime plutôt bien, soit vraiment on haït ça. Il n'y a pas de juste milieu sur la coriandre. Là, qui est pour coriandre? Ça lève les mains, mais on est à la radio. Moi, Trois contre deux. Moi, je suis pas team coriandre. Moi, j'aime pas ça. Qui veut défendre la coriandre? je crois qu'il y a une histoire génétique derrière la coriandre. C'est un gène. Actif ou pas actif, selon ça, goût de savon, pas goût de savon. Ouais, c'est ça. Et par exemple, ma mère, elle n'aime pas la coriandre. Moi, oui. Ah, ça, et oui. Et ben, on embrasse ta mère. Il y a une histoire de goût de savon, ouais. Souvent, goût de savon, ouais. C'est décrit comme ça par les personnes qui n'aiment pas. C'est un goût savonneux, pas bon. Moi, j'ai pas cette histoire de savon, mais j'aime pas quand même. Okay. J'ai beaucoup de mal avec, en général, les herbes aromatiques fraîches. Que je peux sentir dans le. Enfin, c'est-à-dire, j'aime bien des plats qui soient aromatisés, mais j'ai du mal, genre, quand on met. Il y a l'herbe dedans. Un bout de verre, ouais. Une plante verte dans mon plat. Ça me fait chier. T'aimes pas la verdure, donc. J'aime pas la verdure. Moi, steak, sommore. Ah, super. Du coup, en débat nul, il y a aussi les éponges. Est-ce qu'on a besoin d'une ou deux éponges, une pour la vaisselle, une pour laver la table? Alors, oui. T'as répondu non. Non, oui. Ouais, ça veut rien dire, oui. Mais... J'ai posé deux questions. Il faut avoir une éponge spécifique pour. Tout ce qui est nourriture. Alors, une éponge pour la nourriture, une éponge pour laver après le les surfaces. Par exemple, tu vas pas utiliser ton éponge des WC pour nettoyer aussi, je sais pas moi, tu vois. Enfin, alors couvert. Après, je sais qu'on n'est pas d'accord certains, voilà, autour de cette table. Oula. Mais... Oula. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Il faut différencier les éponges. Est-ce qu'on a dit que enfin. Céline et Mathieu étaient un couple et peut-être qu'il y avait une discordance de couple? Oui. Peut-être qu'il y a une guerre sur les éponges. Non. Il n'y a pas de guerre sur les écoutez, éponges. Écoutez, monsieur. Ça m'empêche pas de dormir si je me suis trompé d'éponge entre la vaisselle et celle qui lave la table. C'est voilà. Vrai. Elle a dit vrai. Ça. Après, t'as les assiettes qui sentent des fois un peu le trou de balle. Je sais pas ce que t'essuies avec ton éponge. Tout, a priori. Non, bah, moi, Mathieu, prenez l'exemple des toilettes. Donc je... Moi, j'aime bien quand même la phrase de Mathieu qui commence par elle dit ça. Je veux la suite. Alors, bah, c'est-à-dire, elle dort sans problème. Oh, moi, je suis moins. T'as un somniaque depuis si le début de votre relation. Est-ce que je suis fou? Très bien, je suis fou. Il m'arrive aussi de nettoyer les éponges, de laver les éponges. Ah, mais ça serait. Avec quoi? Eh oui. Avec quoi? Avec du savon, ça veut dire que des fois, avec par exemple. L'eau des toilettes. Avec l'eau des toilettes. Oui. Est-ce que tu as une éponge à éponge? Ah non, j'aimerais bien. Ah, ça, ce serait le summum d'avoir une éponge pour l'éponge. Pour non, non. Vraiment, alors, oui, du coup, on a plein d'éponges qui traînent, du coup, effectivement. Mais... Trop d'éponges, peut-être. Voilà. Je vous avais dit que c'était des débats vraiment nuls. Julie, on t'a pas entendu sur l'ASMR. Ah. ASMR pour ou contre l'ASMR? Est-ce qu'on aime ça? Est-ce qu'on... Oui, parce que. Oui, clair, ouais. T'es agréable parce que moi du coup je suis contre. mais oui, c'est vraiment ce principe de chuchotement, de petits bruits de bouche ou même des bruits d'objets qui pour certaines personnes les relaxe et pour d'autres les énerve. Qui moi je suis team énervément quand même. Julie, toi? Un peu cringe pour moi. Ah. Donc c'est non. C'est non. Céline? Ouais, moi c'est oui. Moi c'est oui. Ah, mais... ça relaxe. Ouais, ouais, ça me relaxe. Si, ça... si je te fais le vendeur de chez Darty en chuchotant, ça te relaxe. Mais par contre, je n'ai qu'une personne qui le fait où ça fonctionne. Ah, ok, ça t'as ton pas. Gars ASMR ouais. Guy. Non, ouais. Alors ce n'est pas moi. Non, j'ai pas dit. J'ai pas pointé du doigt. Est-ce que tu veux faire une reco? Parce que, oui, Sandra ASMR, mais parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du petit rythme. Petit jeu de mots en plus. Il y a quelque chose de l'ordre du rythme qui peut être très énervant et ceux qui parlent trop vite, ça m'agace par exemple. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Oui, non, mais après, quand t'as des. Je pense que ça s'adresse aussi aux personnes qui ont des problèmes de sommeil et d'insomnie. Ouais, oui, il paraît qu'il y a un truc très relaxant et donc qui aide au sommeil. En fait, quand t'as pas de problème de sommeil, je pense que l'ASMR, c'est un truc hyper. Abstrait. Ouais. Inutile. Farfelu. Tu vois, un peu farfelu, ouais. Alors que quand vraiment à 4h du matin, t'es au bout de ta vie, on peut plus qu'il faut que tu dormes. T'as envie qu'on te vende une piscine en chuchotant. Non, mais il y en a qui. Mais c'est ta numéro 4. C'est en fait il y a quelque chose de l'ordre du soin, je sais pas comment dire, ça prend un peu, tu vois, voilà, la personne. Non, mais après on ne kink shame pas dans notre émission. Non, mais il y en a, ils font de la ASMR, j'avais vu, ils ouvraient des bouteilles de bière. Ouais, les pchits, voilà. Ouais, mais après, pour relayer les alcooliques, c'est un substitut. Pourquoi pas, pour rester sur un débat un peu enflammé et pour faire reparler un peu Julie, la pizza à l'ananas, déception ou délice? Ah, moi j'aime bien. Ouais, je sais. On vient je de sais. Perdre des auditeurs. Le chat est en feu. Le chat est en fire. Bonne soirée à vous, hein. Bravo à vous, au revoir. Je suis aussi très team sucré-salé, donc je suis dans ta team, Julie. Merci Morgan. Mais est-ce que t'es team sucré-salé au-delà de la pizza? Si je te fais une pizza au kiwi. Oh, oula, non mais bon goût quand même. Non, la nouvelle, la néo-zélandaise. Oui, la fameuse. Ouais, c'est un vrai truc ou pas? J'en sais rien. Écoute, je me laisserais tenter, tu vois. J'aime la moutarde au miel, j'aime l'aigre doux, pas de soucis, tu vois. Ok. Mais l'ananas, ça marche bien sur la pizza, je suis désolé pour oui, nos après, amis italiens. Oui, après, il faut que le combo soit bon. C'est pas parce que c'est sucré-salé que c'est nécessaire. Mathieu est dégoûté. Tu mets pas de la dorade au Nutella. L'Italie, là. J'ai un peu ce genre de truc, j'ai les cornichons dans la raclette. Oh oui, oui, c'est oui. C'est mille fois oui. C'est quoi le problème? Ah bah y a pas de débat. Écoutez-moi, y a pas de débat. Vous êtes tous d'accord? Le fromage sur le pain, pour ou contre? Bah, tout à fait pareil. Pas un chocolat ou chocolatine, non? Ouais. Oh là là. Il y a ça, non? Moi je dis wish Lorraine. Moi je dis wish Lorraine. Très bien. Rien à voir. Nantes. Nantes. Pour un peu élaborer ce débat, quand même, on est d'accord que en vrai c'est eux qui ont raison. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune logique au fait qu'on dise 90, genre 4 fois 20 plus 10, c'est totalement débile, alors que 90, c'est logique. Enfin, si on fait 60 pour 6, 90, c'est 9 pour 9. Bref. Je peux pas me battre à mon niveau, mais dans mon livre, c'est 90. Comment ça, tu peux pas te battre à ton niveau, tu vois? Je peux pas me battre contre la masse. Bah écoutez, voilà, c'était mon petit dernier sujet. Côté débat. Morgane, tu... Un petit jeu. Un petit jeu? Eh bah allez, on enchaîne sur un petit jeu. Pas de jingle. Non, je sais pas si t'as un jingle. Il n'y a pas de jingle. Là, il est 23h30, il n'y a plus de jingle. Il y aura 2-3 musiques, mais plus rien. Si vous voulez, je vous le fais le jingle. Et bah, c'est parti pour le bisque prouve que tu existes. Il n'y a pas ton cousin qui veut chanter du France Gall. Le cousin aurait pu faire le jingle. Prouve que tu existes. Prouve que tu existes. Merci aux fidèles auditeurs de l'émission. Je vous en prie. Pour ce bisque prouve que tu existes, on reste encore dans le thème de la radio avec cette fois-ci plus le côté actu. Et plus, bon, à base, c'était pas tellement la radio, c'était plus les journaux. Mais je vais vous parler de une de journaux. En fait, ça va être un peu le à juste titre. Je vais vous donner des une de journaux, de faits divers, etc. Et vous allez devoir me dire si ces unes ont bien été publiées ou si je les ai inventées dans mon esprit. Tout à fait farfelu. Ok. Première une, elle oblige ses enfants à sauter leurs repas pour se payer une paire de seins. Est-ce que c'est une vraie une ou est-ce que c'est une fausse une? Aux États-Unis, pas improbable. Pas improbable. Pas improbable. Pas improbable. Mais non, alors pour le coup, je suis sûr de la France. Ah, je suis sûr non. Une info itélé sur le bandeau. Alors, je vais préciser, je suis sûr de la France au niveau du journal local. Mais peut-être que j'ai pas vérifié en fait si c'était le cas ou pas. Mais l'actualité peut être étrangère. Mais en tout cas, ça a été publié dans un journal français. Ça, je veux dire. Moi, pas vérifié. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Et peut-être que les enfants seront contents. Et ben, c'est une vraie une de 20 minutes qui avait bien été publiée. C'est pas forcément récent. Ça, je crois que c'est 2018. Mais du coup, il y a bien eu. Elle empêche ses enfants de se nourrir pour payer sa paire de seins. Yes. Bonne-mère. Nouvelle Bonne-mère. Une. Le colonel Sanders affirme qu'il n'a jamais mangé de burger de sa vie. Donc le colonel Sanders, c'est le colonel de KFC. C'est le colonel de KFC, tout à fait. Il n'a jamais mangé de burger de sa vie. Il n'a jamais mangé de burger de sa vie. Mais parce que tu sais ce qu'il y a dedans. Oui. Moi, ça, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est moi, vrai. Moi, team vrai. Ouais, je pense que c'est vrai. Ouais, ouais. C'est faux, c'est faux. Allez. Je me suis quand même un petit peu inspiré d'un esprit tordu. D'un vrai fait divers. C'est Ringo Starr qui a assuré cette semaine, je crois, qui n'a jamais mangé de pizza de sa vie. Je trouvais ça un peu grave. Wow. Je trouvais un peu ça grave. On peut écrire l'Edith B, mais par contre, on peut quand même manger des pizzas. Est-ce qu'il y a un truc banal que vous pensez que vous n'avez jamais fait de votre vie et que tout le monde a fait? Par exemple, moi, pour vous donner un exemple un peu, c'est que moi, je pense que j'ai jamais vu en entier un film de Louis de Funès. Ah, wow, j'ai jamais vu non plus. Je pense pas. C'est dommage. Non, mais dommage, sûrement, mais. Aimer des gens. Aimer des gens pour ma part. Non. On dirait pas qu'il y a peut-être ta compagne autour de la table. D'accord. Oupsie. Donc, un truc banal que tout le monde a. Tu t'inventes, tout le monde l'a fait, toi, tu l'as pas fait. Non, wow. Rien qui vient comme ça à personne. On enchaîne, hein, sinon. Moi, je vais pas mettre de Non, j'ai pas là. Ok. Mais ça nous vient. Ça peut revenir. Ouais, ça peut-être revenir. Une nourriture. Genre, par exemple, Ringo Starr qui a jamais mangé de pizza. Vous avez peut-être jamais mangé de. Ah si, alors moi je n'ai jamais écouté Despacito. T'as réussi à zigzaguer en zigzaguer. Et je n'ai, alors j'ai déjà entendu en Despacito, mais je n'ai jamais entendu en entier. Oh, le survivant. C'est pas possible. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Merci de me. Et c'est bête parce que la musique d'après. Despacito, Luis Fonsi. Nouvelle une. Il danse en léchant un crapaud. La police l'arrête. Est-ce vraiment, tout donne envie déjà. Oui, c'est le Gorafi, hein. C'est pas oui, possible. Oui, ça c'est vrai. C'est une vraie une. Oui. Une vraie une, on part sur du faux. Je dirais. Ouais, vas-y, ouais. J'ai envie de dire vrai. Allez, oui. Moi je suis joueur. C'est une vraie une qui a été publiée sur CNews. On embrasse. Bah, du coup, c'est sûr. C'est encore une fois. Si tu nous écoutes. Quand t'as pas beaucoup d'argent, que tu veux te mettre mal, tu peux pas acheter de drogue. Lèche une grenouille, quoi. Ne faites pas. Ne le faites pas. Non. Trigger warning. Non, pour, à 80 ans, à 87 ans, il réalise enfin son rêve, manger un tube de colle. Non. Ah, non, mais c'est... ça, c'est possible. C'est nous non, encore, non, ça. Non, non, mais non, si, non, mais non, si, non, la colle U, la colle U. Ouais, mais je comprends pas pourquoi il aurait attendu aussi longtemps. Pour se régaler. Bah, pour que ça n'en soit que meilleur. Parce que tu sais, ça se trouve, il a ouvert un colle U, il fait. Oh, toute ma jeunesse! Et du coup, après. Bah, toi, c'est un peu pareil avec Despacito. T'attends d'avoir 90 balais pour en l'écouter, quoi. Ah, non, non, enfin sauf la différence avec Despacito, c'est qu'à la fin, t'as pas la pâteuse. Quoi que. Du coup, faux. C'est faux. Ça, ah, ouais. Mince. Un braconnier américain récidiviste condamné à regarder Bambi une fois par mois. Ça, c'est vrai. Ça, franchement, ça peut être un jugement américain. Je peux même te raconter l'histoire. Ah, tu l'as mis dans une vidéo? Non, pourtant, non. J'ai fait un quiz il y a deux mois pour d'autres personnes. C'est bel et bien vrai. Ça a été publié par Le Parisien. Et donc, est-ce que vous avez des idées, je sais pas moi, de peines insolites qu'on aurait pu donner à des gens qui font des mauvaises choses? Peut-être, je sais pas. Oula. Waouh. Wow. Bon, il y en a plein. Interdire de regarder taxi à un conducteur de grande vitesse. Waouh, ouais. Wow, des peines insolites que nous on aurait pu infliger. Mais rigolote, en restant léger. Ah hein, oui. Allez pas me tuer des gens. Hein. Bah j'en ai pas. Non, mais il doit bien en avoir aux États-Unis. Mais par contre, tu sais, des fois, quand t'es énervé contre quelqu'un, tout de suite, t'as envie de faire quelque chose. Ouais, dans ta tête, tu te fais un film, t'as envie que ça se passe tout de suite, quoi. Ça fait penser à un épisode de South Park où Cartman fait manger ses parents à quelqu'un qui lui s'est moqué de lui une fois. Dans un film. Légèrement. Tout à fait. Ah bah, tu sais, regardez le jingle de Netflix en continu pendant 40 heures, par exemple. Très bonne peine. Ah oui. 40 heures. Ou écouter Despacito. Est-ce que c'est pas déjà la peine qu'on a tous subi celle-là? Ou avoir une éponge un peu cradoc, quoi, qui lave tout dans la maison, quoi. Non, non, devoir utiliser l'éponge de surface pour la nourriture. Mathieu me regarde et il a l'air de dire je suis déjà sous peine. J'ai déjà la peine. Vous le voyez dans le Facebook Live, il a des gouttes de sueur, il est pas bien. Oui. Annecy et Chambéry, des préservatifs au reblochon à l'occasion du site Action. Bah oui. Je alors pense que c'est faux, mais on aurait envie que ce soit vrai. Goût fromage sur goût j'ai fromage. Ton sur ton. C'est vrai. Tu l'as mis là? Ah non, je l'ai pas mis là. Dis-moi que c'est heureusement qu'il est 23h32. C'est bel et bien vrai. Ah non. France 3, région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais ça, c'est notre France. Ouais. Ça, c'est la France du terroir. Ça, c'est la France qu'on aime, ça. Nos régions du talent. Est-ce que ça peut inspirer la Lorraine pour un préservatif patello? Quiche Lorraine. Oh, la bergamote. Je suis plus bergamote. Je suis plus fruité pour moi. Mirabelle, et c'est vrai. Il veut encore sucré salé, celui-là. Ananas. Pas d'ananas sur la pizza. Des passagers du vol Pékin-Varsovie se cotisent pour l'achat d'une pièce indispensable au décollage de leur avion. Non. Ce serait tellement fou si c'est vrai. Mais... Il manque une pièce et du coup, il l'achète. Il l'achète enfin, tous les passagers du vol. Oui. Bah, c'est le titre en tout cas. Oui. Mais une pièce, genre une pièce essentielle pour c'est faire décoller. Une, je ne développe pas l'article. Ah, d'accord. Oui. Tu développes, tu veux pas griller ta source. Voilà. D'accord. J'ai des sources. C'est très clairement vrai. Très clairement vrai. C'est West France qui nous partage cette petite une qui est assez folle, ouais, du coup, ouais, de se cotiser. Franchement, comment tu restes dans l'avion après? Comment tu dis, franchement, avant que je paye, il n'y avait pas ça? Est-ce que vous avez peur en avion, les gars? Ouais, un peu. Pas peur, mais tu sais, pas rassuré, quoi, pas très à l'aise. Ouais, t'as une petite tension, quoi. Les turbulences. Ouais. En vrai, c'est les turbulences. Alors que c'est presque ce qui craint le moins. Ouais, les turbulences, c'est quand même un truc qui peut un peu surprendre. Mais une fois une turbulence. Une fois arrivé vers, c'était je partais, j'arrivais sur Paris Orly et le capitaine, enfin le voilà, le capitaine, oh, le capitaine, oh, mon capitaine, les gentlemen ici, voilà. Le capitaine, le capitaine. En fait il dit bon bah on a un peu de turbulence. Oula. Et en fait je vois dans le hublot, bah en fait il y a un putain de gros nuage noir en fait avec des éclairs. Tu sais quand le capitaine il prend le micro, il commence par alors. Oui. Oui, et ben c'était un peu ça. C'était un peu ça. Et vraiment, d'un coup, on est là et je sens l'avion qui fait tout, qui tombe. Et horrible parce que t'as des gens qui commencent à crier. Oh, bah, bien sûr, ça choque. Alors que toi, t'es un peu comme ça en mode oui, non, ben, ça va passer. Et là, après, tu ne fais plus jamais ça après. Quoi. Vraiment, tu es en mode. Tu commences à chercher des numéros dans ton répertoire pour rappeler. Mais vraiment, la sensation que l'avion qui fait comme ça. Quoi, une perte d'attitude d'un coup. Quoi. Ouais, et horrible. Mais bon. je suis là après. Ouais. Et du coup, t'as pas peur du coup maintenant. Maintenant, dès que j'ai un petit peu, je suis la personne qui va mettre ses mains devant là. Poussez-vous, je prends le contrôle. Pour rester dans la violence, à Rouen, les policiers lui débloquent une vertèbre en l'interpellant. Il leur offre des chocolats. Est-ce que c'est une vraie une ou est-ce que c'est une fausse une de mon esprit malade? Moi, je pense que c'est une que t'as trouvée, tu l'as retravaillée. Elle est pas vraie. T'en as mixé deux. Ouais. C'était pas à Rouen, c'était à Caen. J'ai gagné. Elle était fausse. Alors, oui, vrai, non. Je vois pas le rapport. Ouais, je sais pas. Non. Aïe, on est joueur. Moi, je dis oui. Et pourtant, cette une est tout à fait vraie. Tendance ouest. Comme quoi, les violences policières ont du bon, a priori. un bon ostéopathe ou les CRS. Un sosie de Claude François privé d'électricité. Non. Bah non. Bah non. Pourtant, si. Ah non. Bah, en vrai, c'est vendeur, t'as envie de lire l'article quand même. Ah oui. C'est vendeur. Au cas où. Oui, oui. Réchauffement climatique rend les requins droitiers. Ah, il y a moyen. Camoulox. Oui. Oui, très. Oui, ça fait un peu Camoulox. Ouais, mais à quel moment, en fait, ils utilisent leur nageoire main en fait. Genre, comment les mecs, ils se sont dit, attends, il y a un truc pas d'habitude là. Qu'est-ce qu'ils font de sens de nage. Il y a un mec qui est pour écrire. Je cherche une île et le requin le fait. Bah, il lui a montré avec la droite. J'ai des masques. Et bien, figure-toi que pourtant, c'est bien vrai. Futura planète. Ah yes. Après, c'est pêle-mêle. Hein. Les overdoses et les suicides réduisent l'espérance de vie. Les overdoses et les suicides réduisent l'espérance de vie. Ça sent, bah, ça sent une ça. Ah oui. Ça, tu peux pas l'inventer. Ré une de TV à nouvelle. Et la dernière, un SDF drogué viole un castor blessé. Oh. Bah oui. On espère que c'est pas toi qui a pensé ça, vraiment très fort. Alors, il a dit au début qu'il a un esprit tordu quand même. Donc après, Non, mais celle-là, c'est ma préférée, elle est vraie. Ah non. François, je trouve ça fou quand même. C'est mon. Vraiment, tu te dis déjà. Et déjà l'écrire, tu vois, pour être sur ton. Non, mais attends, mais t'es allé sur François. Non, mais après, j'ai cherché. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Alors, pour ceux qui aiment ça, il y a un compte Instagram qui s'appelle À Juste Titre. Ah. Qui reprend toutes ces unes, et du coup, j'ai un peu été me balader là-dedans. Eh ben, merci Morgane, tu nous as régalé. Écoute, on va enchaîner avec une petite musique. On arrive en 2005. En 2005 15. Je suis perdu. Bah, tu es en 95, donc en 2005 si tu veux. Et on est en 2005. Non, Eric Pratt, non, on était en 2005. Attends, oui, je reprends mes 2015. Notes, messieurs, dames. Je suis totalement perdu. Cette émission je suis perdu. On est en 2015, exactement. Excusez-moi, j'ai loupé Eric Pratt. Non, mais il n'y a pas de souci, t'étais pas là. On est en 2015, Skrillex, Diplo, Jack U. Bangering. Avec Justin Bieber. Ah. Open, just admit it. See, I gave you faith, turned your doubt into hope, and can't deny it. Now I'm all alone and my joys turn them open. Tell me, where are you now that I need you? Where are you now? Where are you now? Where are you now that I need you? Couldn't find you anywhere. When you broke down, I didn't leave you. I was by your side. So where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Nobody else was paying. I gave you the shirt off my back. What you're saying to keep you warm? I showed you the game everybody else was playing. That's for sure. That's for sure. And I was on my knees when nobody else was praying. Oh Lord. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? Ben on est toujours Fat Jet pour le Biscast. On est dans la dernière heure avant d'attaquer minuit et un petit jingle tout de suite. Fat Jet, 40 ans de soutien des acteurs locaux. Et ben on est là. On est toujours là. Dans nos derniers 20 minutes. Oui, dernier 20 minutes. Mais c'est que le début. Mais bien sûr. Des 40 heures jusque dimanche midi. Juste après nous, si je ne me trompe pas, c'est Pierre qui sera là c'est pour ça. Couleur locale de minuit à 2h. Il nous a fait un beau programme. Je crois qu'il y a beaucoup de musique. Il y a plus de 40 artistes. Il va venir en parler. Il viendra avec nous quelques minutes pour qu'on lui passe le relais. Et là, on enchaîne tout de suite avec une chronique que les auditeurs du Biscast connaissent. Mais c'est ça, bisque. Service après-vente. Bisque. Chéraf. Tu connais pas Chéraf. C'est un groupe, ils étaient number one. Le SAV du bisque, ce sont les recommandations de fin d'émission, que ce soit un film que vous avez vu, un livre que vous avez lu, une musique que vous avez écoutée. C'est le moment de nous partager un peu votre chouchou du moment. Qui commence ? C'est la question qui débute toujours. Mathieu commence. Allez hop, sous le bus. Ah bah moi, le bureau des légendes. Explique-nous un peu qu'est-ce que c'est le bureau. Qu'est-ce que c'est ? Oh bah c'est une série française qui retrace l'histoire du bureau des légendes, donc de la DGSE. On suit un service secret. Alors oui, en tout cas, le service n'est pas secret, mais les missions le sont. Bien sûr. Donc voilà, et je regarde ça depuis lundi. Je Big Watch, je binge watch. Voilà, c'est super. Et du coup, juste après, je vais continuer encore. Donc du coup, si vous voulez savoir ce qu'il fait de minuit à 8h cette nuit, il écoute Fadjet. Voilà. Et regarde. Absolument. Voilà. C'est dispo sur MyCanal, si je me trompe pas. Absolument. C'est DVD. Par Mathieu Kassovitz. Il y a Mathieu Kassovitz dedans. Il est par Daroussin. Justement. Éric Rochon, le créateur, tout à fait. Et donc, c'est de l'espionnage. De l'espionnage, mais c'est, ça tient en haleine. Il y a vraiment du cliffhanger. C'est pas qu'à la fin, en plus, c'est cliffhanger. C'est même pendant l'épisode. Donc, c'est une série qui a été vachement louée, je crois. Oui. Elle est finie, cette série, si je me trompe pas. Oui. Donc, du coup, je n'avais pas eu l'occasion de les regarder à l'époque. Et du coup, maintenant, je rattrape. Sabine Gouach. Ah, absolument. Donc, voilà. Céline, on enchaîne ? Moi, le coup de cœur série, c'est... Je vais essayer... Shrinking. Shrinking. Shrinking. Yes. J'en ai parlé dans le Biscast il y a quelques épisodes. J'ai adoré cette série. C'est formidable. C'est formidable. C'est vraiment super. On a plaisir à retrouver quand même Harrison Ford... au top de sa forme, même s'il joue un parkinsonien. on est quand même content de le voir. Ah, il est adorable. Et puis, t'as l'impression que c'est un rôle fait pour lui, quoi. Ouais. En vieux psychiatre, du coup, vraiment, où on suit ces psychiatres, dont celui qui est interprété par Jason Segel, Marshall. Ah oui, Matthew Mother. Exactement. Et qui est donc un psychiatre récemment veuf, qui vit très mal le décès de sa femme, et qui ne va plus du tout bien gérer ses patients. Mmh. Il va beaucoup trop s'investir, et ça donne des situations très touchantes, très drôles, on rit beaucoup, et puis il faut bien reconnaître qu'on a quand même ce petit délice de voir les psychiatres un peu en péril, difficulté, c'est toujours un personnage Gabi qui aussi très bien. Excellente. Le personnage de Gabi, donc, qui est la troisième psychiatre du cabinet, qui est une femme formidable. Elle divorce, donc commence à... Voilà, elle a cette difficulté-là à surmonter. Et voilà, c'est une très belle découverte. Ouais. Apple TV, du coup, MyCanal aussi, par définition. Exactement. Et deux saisons, la deuxième vient de se finir, et c'était très bien. J'ai beaucoup aimé les deux saisons. Julie. Alors, j'avais rien prévu, mais en ce moment, je me fais ou refais les Agatha Christie, comme tu as pu le constater. Et pour le coup, ils étaient 10, à l'époque nommés autrement, mais actuellement c'est nommés le bon titre. Ils étaient 10, voilà, je crois que c'est 1939. Et je l'avais étudié au collège, ça m'était un peu passé et tout ça. Et là, je suis en train de le relire, et c'est vrai que c'est vraiment incroyable. Je trouve qu'elle a une écriture qui est vraiment très bien, qui est très contemporaine, alors que pour certains, ça a 100 ans, quoi. Ouais. Donc que ça soit, ils étaient 10, j'ai lu aussi Le Cheval Pâle, que j'avais jamais lu. Et franchement, pour les personnes qui aiment bien les polars... Whodunit un peu, non ? Ou pas ? Comment ? Il y a un côté whodunit, genre... Oui. Il y a beaucoup de personnages et il y en a un qui a fait le crime. Bah, ils étaient 10, c'est littéralement... ils sont 10 et on ne sait pas qui tue au fur et à mesure. Et c'est... Enfin, franchement, ça se lit très très bien, même quand on n'est pas un grand lecteur. Tu dirais que c'est un page turner ? It's a page turner, yeah. Of course. Vos amis anglophones. C'est ça. Val, une reco ? Ouais, j'en ai deux que je vais faire très rapidement. J'ai La Pampa qui sort au cinéma d'Antoine Chevrolet, qui a réalisé des épisodes du Bureau des Légendes. Et c'est un petit film français, c'est un premier film avec Artus qui est dans le film, qui a un tout petit rôle. Qui est aussi dans le Bureau des Légendes, si je me trompe pas. Qui est aussi dans le Bureau des Légendes, tout à fait. Et voilà, c'est un film que je vous encourage à aller voir, qui est exceptionnel. Et si vous êtes sur Nancy, il est dans les caméos, donc venez le voir. Pas d'intérêt à dire ça. Et en plus, à titre perso, j'ai eu la chance de rencontrer le réalisateur qui était une crème, donc allez voir le film. Et ma deuxième recommandation, c'est pour Riyad Satouf avec Fadi, le frère oublié, qui est la suite de l'Arabe du futur et qui est juste un bijou. Si vous avez aimé l'arabe du futur, c'est voilà, des BD, français. Si je me trompe pas. C'est de la BD, du roman graphique, comme ouais. on dit un peu maintenant. Et voilà, c'est toujours dans l'univers de Riyad Sattouf. Si vous aimez Riyad Sattouf, l'arabe du futur, ou Esther, Esther ouais, et les cahiers d'Esther. Voilà. Bah, allez-y, les yeux fermés. Voilà, le jeune acteur de Vincent Lacoste. Et voilà, c'est exceptionnel. Je suis en train de faire l'intégrale de l'arabe du futur, mais j'ai dû m'arrêter un petit peu. Mais j'apprécie beaucoup pour l'instant, c'est très sympa. Pour ce qui concerne mes recommandations. Ouais. Je vais vous parler de Civil War, un film d'Alex Garland, qui avait déjà fait Ex Machina, qui a fait aussi Extinction sur Netflix, enfin, un réalisateur en général que j'aime bien. Et Civil War, c'est donc une dystopie futuriste, mais dans un futur proche, où le président américain n'aurait pas abdiqué après sa troisième réélection assez douteuse. Et donc, il y a une guerre civile, littéralement, au fin fond, enfin, dans l'ensemble des États-Unis, un peu Los Angeles, donc on va dire un peu les côtés plus démocrates, contre ce président indéboulonnable. Et c'est très violent et ça suit des reporters de guerre. Du coup, vraiment, le métier du reporter de guerre, mais dans une guerre fictive. On l'espère fictif pour l'instant. Ouais. Et c'est prenant, c'est très bien joué. Kirsten Dunst est excellente, les autres acteurs aussi. Et c'est vraiment top. C'est vraiment, ça se suit. On a l'impression que c'est pas un plan séquence, mais on a l'impression que on est tout le temps dans l'action avec eux. On vit vraiment à leur côté. C'est hyper bien. Deuxième reco, j'aurai Civil War, ça se retrouve où? Civil War. Alors moi, pour le coup, j'ai demandé à un tonton américain de me prêter la cassette. je pense qu'il est cassette. Sur Canal Plus. Il doit être sur MyCanal. Pas encore, je crois. Pas encore. Mais certain qu'il y arrivera bientôt. En tout cas, en VOD. En VOD, oui. C'est en VOD. Voilà, en VOD. Et Ex Machina, précédent film à découvrir au caméo dimanche prochain. Oh là là. Tant qu'on est là. C'est posé. Ah, ouais. Ils nous ont filé un billet. En vrai, c'est un super. plus qu'un billet, je crois. Oui. Une vie. un salaire. On appelle ça un salaire. Un billet tous les mois. Et pour le coup, Ex Machina est un très bon film aussi. C'est pas ma recommandation, mais ça pourrait l'être parce que c'est vraiment un super film. Mon deuxième film recommandé, c'est Le Juré numéro 2 de Clint Eastwood. Ah, oh, oui, monsieur. Oui. Monsieur Clint Eastwood, 94 ans, et il arrive encore à faire des films qui nous tiennent en haleine sur, du coup, bah, ce juré qui fait partie, du coup, d'un jury sur une affaire d'homicide et qui se demande, en écoutant l'affaire, est-ce que c'est pas moi qui l'ai fait? Et du coup, voilà, je vous arrête sur ce cliffhanger, mais c'est un peu le tenant et l'aboutissant de ce film. Val, t'avais une deuxième reco, et je crois que tu t'es coupé au milieu de ta reco, non? Non. T'as fait l'arabe du film? Non, j'ai fait La Pampa et Fadi. Ah, c'est moi qui dis la bêtise. Et si je peux continuer dans le corporate, Le Bon, la Brute et le Truand. Bientôt au caméo, voilà, tenez-vous prêts, avec monsieur Clint Eastwood, la légende, blondin, comme on l'appelle dans le film. Mo, t'avais d'autres recommandations? Moi, là, je suis plutôt pas mal, mais après, il nous reste une petite dizaine de minutes. Ah, ouais, il va les gens. De quoi? Severance. Ah, j'allais. Oui, ah, voilà, Severance. Elle m'a devancé. J'allais dire Severance, effectivement. Severance. Une série Apple TV. Céline, tu veux en parler? Absolument. Bah, oui. Oh, bah, toi aussi, Val, je pense que t'avais beaucoup aimé. T'en parleras bien. Ouais. Bah, c'est une série dystopique, je crois que c'est le mot, dans un futur. Pas si loin que ça, je pense. Ça pourrait être aujourd'hui, mais avec une technologie qui n'existe pas. C'est ça. Le principe de base, c'est qu'en fait, quand les gens vont travailler, ils ne se souviennent pas de leur vie. Et inversement, quand ils sont dans leur vie perso, ils ne se souviennent pas de leur vie professionnelle. En fait, leur vie professionnelle est coupée, quoi. Pour revenir sur la technique un peu, en gros, ils ont une puce dans le cerveau qui fait qu'il y a vraiment une dissociation entre la personne qui rentre dans le bureau et la personne qui n'est pas dans le bureau. Voilà. Et donc, bah, forcément, s'il y a quelqu'un qui vit sa vie sans avoir l'impression de jamais travailler, et bah, il y a une autre personne dans ce même corps qui fait sa vie en travaillant tout le temps. Et donc, c'est ça aussi. Alors, si vous ne comprenez pas, on peut que vous inviter à aller voir cette série qui est absolument grandiose. Produite, réalisée par Ben Stiller. Exactement. C'est ça. Moi, c'est simple. En fait, je regarde très peu de séries. À un moment, je me suis dit, j'ai envie de regarder une série. J'ai tapé meilleure série et je suis tombé sur elle en premier. Donc, la saison 2 vient de sortir. La une est vraiment une claque et je vous encourage à la regarder. Elle est sur Apple. Je crois que c'est Apple. Pour rester dans l'intellectuel, en ce moment avec ma femme, nous regardons. Oula. L'île de la tentation. J'ai pas compris la transition. Non, mais écoutez, c'est totalement débile. Faut décrocher son cerveau, mais c'est un peu drôle. Bon plaisir coupable de la tentation sur W9. Ah oui, sur W9, oui. Bah oui, hein, on n'est plus sur M6, les gars. On est plus à la mode. Ah, mais attends, mais c'est un truc du style RMC Découverte. Non, c'est des couples. C'est un documentaire animalier. Qui viennent tester leur fidélité en allant sur une île où il y a des beaux garçons qui viennent. Ah, et c'est premier degré en plus. Ah ouais, c'est 100%. Bah, après, et il y a Despacito dans le. Il y a eu une version espagnole qui est un peu sortie sur le web là, avec un certain Montoya très très malheureux de voir sa femme copuler avec un tentateur. Bah, on, sur l'extrait on le voit traverser quasiment l'Espagne pour aller retrouver le mec quoi, en courant. Du coup le moment, en fait la différence entre les versions espagnoles et la version française, c'est qu'en Espagne ils montrent en direct ce qui se passe quand il se passe quelque chose. Oui. Et du coup bah, le gars qui voit sa femme en train de se faire soulever et bah, il sait que le plateau où il voit cette image, il est allé à 300 mètres de lui dans cette direction, donc il se tape le sprint de 300 mètres pour en découdre avec ce fameux tentateur de la grande télévision, si je peux me permettre. Ah bah, mais ce soir vous avez fait le bon choix, vous êtes sur Fadjet, merci d'être là. Écoute, j'ai envie de dire merci déjà à Fadjet. Bah, alors moi j'ai une petite conclusion. Bah, dis-nous. Quand est-ce que ça s'arrête, demandait Orelsan, et bah très bientôt, lui répondrai-je, en tout cas en ce qui concerne cette émission, même s'il nous reste encore une petite huitaine de minutes. Ce n'est pas pour autant la fin du Marathon Fadjet, puisque vous pouvez toujours continuer à écouter Fadjet pendant ces 40 heures de live, on c'est le dit ça. Encore. Hein, on est à la quatrième heure, donc il reste 36 heures. Exactement. Je ne vais pas vous dire mieux, il reste 36 heures. Donc c'est bien le début du marathon, écoutez toute cette nuit la Radio Fadjet, écoutez tout ce week-end Radio Fadjet. Comme d'habitude, on remercie nos chers invités d'être venus. Merci beaucoup. Merci Céline, merci Mathieu, merci Julie l'anonyme. Qu'on ne voit pas à la vidéo. C'est Cash qui a dit, je vous rappelle sa présentation, Julie qui est vous, je suis Julie. Avec un grand J. On remercie évidemment vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pendant ces deux heures quand même, parce que c'est un double biscast là que vous avez. Exactement. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez nous rejoindre sur l'émission, nous rejoindre aussi sur Instagram et sur Facebook, le biscast. On remercie encore nos amis de Fadjet pour cet accueil qui est magnifique et on va très bientôt passer la parole à Pierre pour les couleurs locales. Pierre, tu nous dis un petit mot, tu vas nous envoyer quoi là ? Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Pierre. Je reprends mon souffle. Ah oui, parce qu'il faut savoir, il y a des escaliers. Il y a des escaliers. Nous allons embarquer dans une odyssée, un hommage à la musique locale, à la scène lorraine, avec 40 nuances nocturnes, 40 groupes de musique qu'on va vous présenter. Ça va être chill, ça va être rock, ça va être électro, ça va être rap. Et ça va être cool. Ça va être très très cool. Tout ça avec de la respiration. Tout ça avec de la respiration. Merci à toi Val, petit Mozart des ondes. Et puis et à ton cousin. On finit sur peut-être une musique par quelqu'un de 2025, je dirais. Oui, oui, c'est ça. On va finir par une musique de 2025. Mais avant ça, je voulais remercier Fadjet de nous accueillir, de nous avoir donné l'opportunité d'être à la radio, de découvrir des gens qui ont la même passion que nous, parler à un micro et transmettre et partager. Et puis s'amuser un peu. Écoutez, merci à tout le monde. On est que à la quatrième heure, donc restez connectés pour les insomniaques. Nous, on va revenir cette nuit. On revient à 4h normalement. On pointe peut-être le bout de notre nez à 4h du matin. Exactement. Avec un autre Valentin, on sera là. On sera là, pompe et lope. Écoutez, prenez soin de vous et puis on vous dit à très bientôt. Et on finit avec une musique de 2025. 25. The Weeknd, Justice. Il est minuit, messieurs dames. Justice, wake me up. On est parti. Merci à tous. Salut, bisous. Merci. I'm done with the way y'all are playing games, wasting your breath on a one-night stand, giving your heart out to any man. You need to figure it out, baby, figure it out. You ain't gonna catch me with someone new, taking my own path, that's what I'll do. Ladies and gents, I'm just speaking truth. You need to figure it out, why don't you figure it out? She knows what I mean. I gave you my.